Top départ. Bonjour et bienvenue sur un podcast mutant, Radio Rolliste rencontre Outsider. Thomas Munier est notre invité, ou je suis l'invité de Thomas. Moi, c'est Gerhard, que vous avez déjà entendu sur Radio Rolliste. Et aujourd'hui, Thomas et moi, nous vous parlons du jeu de rôle sans règles ou avec règles. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? C'est pas très bien. Thomas, quelle est ton optique là-dessus? Bah en fait, quelque part, je pense que ça va être un peu le podcast où il y aura plus de questions que de réponses, en tout cas de mon côté. Disons que la question, c'était, bon, on avait pas mal de discussions comme ça sur G+, sur ton fil G+, qui tournait un petit peu autour de ça, sans le nommer, puis moi-même, j'y réfléchissais de mon côté. C'était justement de s'intéresser aux jeux de rôle sans règles, et du coup, ça entraînait pas mal de questions, du genre, est-ce qu'il est possible de faire du jeu de rôle sans règles? Si oui, comment? Qu'est-ce que ça nous apporte? À quoi, entre guillemets, à quoi ça sert? Et qu'est-ce que ça nous apprend sur le jeu de rôle et sur les règles? Oui, je suis assez d'accord avec toi parce que pour moi, en fait, quand on veut parler de jeu de rôle sans règles, on tourne très vite sur la question de qu'est-ce que c'est du jeu de rôle et l'autre question, oui, mais c'est quoi les règles? Ouais. Puis on a d'ailleurs prévu de commencer par ça, en fait, justement, du coup, exactement. De voir c'est quoi les règles avant de voir si on peut les enlever, quoi. Ouais. Alors, j'ai d'abord commencé par un tout petit bout de bibliographie. Frédéric Sintès a un article sur le jeu de rôle traditionnel. Et où il fait deux typologies de jeux de rôle. Le jeu de rôle traditionnel où le meneur se place au-dessus de tout. En dessous du meneur, il y a les règles et puis les joueurs. Par ordre, je vais dire, d'autorité sur le jeu. Et le jeu de rôle pas traditionnel, plus moderne, le jeu de rôle anarchiste, où les règles sont au-dessus du meneur et des joueurs, ou au-dessus du meneur et puis lui-même au-dessus des joueurs. Alors, moi, je vois trois composantes. Les maths nous disent qu'il y a six combinaisons possibles. Donc, on pourrait très bien avoir les joueurs au-dessus du meneur, au-dessus des règles ou des choses comme ça. Ce que je vois avant tout, c'est qu'on a un groupe qui a décidé de jouer ensemble, qui, à un moment donné, choisit des règles. Et à ce moment-là, il est au-dessus des règles. Après, ce qui se passe dans la partie, est-ce qu'il se décide de se soumettre aux règles ou pas? Et dans quelle mesure, pendant l'entière durée de la partie, bah c'est une décision de groupe. Ouais, c'est ça. Donc en fait, quelque part, il n'y a pas d'autorité de l'un sur l'autre s'il n'y a pas consentement de l'autre partie, quoi. Bah, c'est-à-dire que l'autorité des règles, enfin la soumission aux règles, elle est toujours consentie. Maintenant, il peut arriver que la dynamique sociale du groupe fasse qu'un joueur n'a pas spécialement envie et pour suivre le groupe ou pour ne pas faire de vagues, il le fasse quand même. Ça m'arrive quand même assez régulièrement. Moi, les règles, je leur donne une autorité très relative. C'est l'avis de l'auteur pour faire une bonne partie. Ok, mais l'auteur, il ne me connaît pas, il ne connaît pas mes envies du moment, il ne connaît pas mes goûts et dégoûts, ni pour aucun autre membre du groupe. Donc, il fait sa meilleure proposition, mais étant absolument pas informé du contexte. Tout comme, ça se trouve, j'empiète sur des trucs qu'on va aborder plus tard, mais... Tout comme tu pourrais rencontrer à ta table des joueuses qui vont être désarçonnées par le fait que tu fais fi des règles du jeu que tu proposes, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je ne pense pas que c'est une bonne chose à faire d'entrée de jeu avec des joueurs qu'on ne connaît pas. Ou alors, il faut, quand on négocie le fait qu'on va jouer ensemble, prévenir, bah, attention, si vous venez jouer avec moi, les règles, je vais les mettre un peu de côté, on va faire au feeling. Où on va les respecter dans telle mesure. Il y a beaucoup de tables traditionnelles qui font comme ça. Hein. Je joue à tel jeu, c'est la deuxième édition, mais sans tel supplément, et j'ai cette règle à maison en plus. C'est un peu ça aussi. Parce qu'il y a deux risques, en fait, je pense, si tu joues entre guillemets, de façon très infidèle aux règles, sans prévenir les joueuses et sans en discuter avec elles. Le premier, c'est que si par exemple tu leur dis bah on va jouer à un jeu un tel édité qui est connu et qu'elles elles ont déjà joué par ailleurs ou tout simplement elles ont eu un aperçu du jeu par des critiques tout ça, et ben on se rend compte que finalement le jeu qu'elles aiment, et ben c'est pas le jeu que tu vas leur proposer, quoi. C'est un jeu différent. Et l'autre souci, en fait, c'est si un entre guillemets un grand détachement par rapport aux règles écrites. C'est que la joueuse a l'impression que le monde fictionnel perd en solidité. Tout à fait, ça La c'est règle écrite, entre guillemets, ce serait la solidité du monde, le fait que le monde il est préécrit avant la partie, et que du coup, si on ignore les règles, finalement, ça pose autant de problèmes de solidité que si on ignore l'univers, quoi. tout à fait, tout à Alors là, fait. du coup, je viens de dire règle pour mécanique, quoi. J'avais bien saisi. Et pour la question de est-ce qu'on risque pas de désarçonner les joueuses? Est-ce qu'on ne va pas les tromper sur la nature du jeu? Ben, ça dépend pourquoi on se libère de la règle ou pas. On peut se libérer de la règle pour mieux respecter la proposition du jeu et l'intention de l'auteur. Oui, ou se libérer de. Des fois, pour les problèmes d'énergie, moi, en ce moment, je mène une campagne de Hollywood en ligne. J'ai pas le temps de. Je peux pas y consacrer autant de temps que ça mériterait, entre guillemets, si on voulait vraiment jouer les règles. Notamment parce que le système de jeu, il prend sa saveur que, quand, si, on se, que si on sollicite beaucoup, parce qu'il y a pas mal de mises, il y a pas mal d'attrition, tout ça. Et donc, si, ça ne fonctionne que si on fait vraiment beaucoup de GD et qu'on joue longtemps. Et donc, du coup, je me suis concentré énormément sur l'esprit du jeu, c'est-à-dire le roman noir, entre guillemets. Et finalement, le système de. Les mécaniques, on les invoque assez peu, et finalement, on exploite 20% des mécaniques, quoi. Voilà. Si on me permet de revenir à la question de l'autorité que j'abordais tout à l'heure, parce que jusqu'à présent, j'ai considéré la règle du jeu comme un tout, mais on peut très bien accorder beaucoup d'autorité à l'univers de jeu et pas du tout aux mécaniques, ou le contraire, ou à l'intention du jeu. Ou... Et alors là, j'arrive sur la question de c'est quoi les règles? Alors moi, je les distingue entre autres par leur nature. Alors on a les divisions très classiques, celles du fluff, du décor. Qui sont un peu les données de la fiction, les textes, les descriptions, les illustrations aussi, les exemples de jeux un petit peu, qu'on a tendance à considérer déjà avec pas mal de liberté. Classiquement, le rôliste, la fiction, il va l'adapter, la tordre pour la faire correspondre à ses envies beaucoup plus facilement que les mécaniques. J'ai beaucoup plus souvent entendu un joueur dire « Ah non, tu ne peux pas toucher aux mécaniques » que « Ah non, tu ne peux pas toucher à la fiction ». Bien sûr, il y a des attitudes personnelles qui changent, mais c'est mon impression globale. Je ne sais pas si tu as la même expérience. Oh, j'ai connu des ayatollahs de l'univers, mais je pense qu'il y a une chose que ça nous enseigne sur la séparation entre fluff et crunch, c'est que finalement, le fluff, c'est tout ce qui est vraiment diégétique, y compris des règles d'univers qui peuvent paraître extrêmement strictes, comme par exemple le fait à Bloodlust qu'on ne puisse pas jouer d'Amazon. Je reprends toujours le même exemple de Jérôme Larry, hein, qui explique que les univers sont des règles. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'univers qui peuvent être extrêmement strictes et difficiles à dégager sans vraiment dénaturer le jeu, quoi. Et finalement, ce qu'on appelle le crunch, les mécaniques, c'est vrai que là tu parlais, enfin j'empiète un tout petit peu, mais tu parlais que c'était à la fois la résolution, mais c'est aussi qui narre, qui a le dernier mot sur quoi. Je te laisserai. Détailler ce qu'il y a d'autres choses, mais grosso modo, le crunch, c'est un petit peu ce qui va être extra-diégétique, ou ben, c'est pas tout à fait que ça construit l'histoire, mais on voit quelque part, c'est quand même en dehors de l'histoire, quoi. Le fait de lancer un dé, même si c'est extrêmement de l'histoire, quoi, générateur d'histoire, il y a quand même un moment, irruption de quelque chose qui n'est pas de l'histoire, quoi. C'est vrai que le fluff est entièrement dans la diégèse et que les mécaniques, elles traversent tout, s'adressant aux joueurs, en parlant souvent du monde fictionnel, mais pas uniquement. Tu as parlé de tout ce qui est autorité sur la fiction, qui va cadrer une scène, ou est-ce que c'est précisé ou pas, qui agit sur tel élément du jeu. Classiquement, les joueuses ont leur personnage, la meneuse, le reste du décor, mais pas nécessairement. Il y a tout ce qui est l'autorité que les règles réclament pour elles-mêmes. Les règles précisent elles-mêmes quand elles s'appliquent, quand il y a un combat, quand vous tapez quelqu'un, quand vous tombez, quand vous défiez quelqu'un en duel. Puis il y a tout ce qui est autour du jeu, là, les règles de world building. Un jeu comme Microscope, par exemple, il n'y a quasiment aucune règle, je pense même peut-être aucune qui s'applique à la fiction. Et toutes les règles s'appliquent aux joueurs et à la manière dont ils créent la fiction. Mais J'ai tendance à dire que tout ce qu'il y a dans le livre de règles est règle, que ce soit le décor, que ce soit les mécaniques, qu'elles soient chiffrées ou textuelles, mais aussi les conseils de jeu, les intentions, les notes de design. Et en fait, cette attitude-là, elle vient de la forge, du principe de Boss Lumpley, qui dit que le système, c'est comment on décide ce qui se passe dans le monde fictionnel. À partir de ce moment-là, tout ce qui informe ou dirige ou oriente notre décision est système et règle. Et en même temps, ça rend les jeux plus solides que par exemple l'analyse système 2 matter, où en fait, dans système 2 matter, on a le sentiment qu'il faut que tout soit extrêmement bien ficelé pour amener vers l'intention de jeu. Tandis qu'en fait, surtout, l'avantage, c'est que si tout est bien ficelé, bah, si on enlève des bouts, ça peut encore tourner, quoi. Et sinon, au sujet des intentions, tu m'arrêtes hein, si je suis flou. Au sujet des intentions, je rappelle, à une époque, j'avais écrit un rapport de partie dans lequel j'écrivais « Les intentions sont des règles », qui était dans l'idée de, bon, on peut complètement se rater quand on crée un jeu, où les joueuses peuvent se rater à comprendre là où tu veux en venir, ou ne pas avoir envie de suivre tes règles. Et du coup, c'est important de bien préciser ses intentions pour dire, bon, bah, peut-être que le jeu, je ne sais pas si le jeu fait exactement ce pourquoi je l'ai créé, je ne sais pas si vous aurez envie de toute façon d'utiliser les règles comme je les ai faites, mais essayez au moins de respecter, voilà, les intentions. Dire, moi, j'aimerais qu'on puisse faire ça avec le jeu. Et des fois, c'est une sorte d'appel à la collaboration en fait entre les joueuses et l'auteur, quoi. Tout à fait. Et là, je pense qu'on arrive sur une des raisons du jeu où on va se détacher des règles, c'est que, aussi bon auteur sois-tu, le jeu parfait et parfaitement cohérent qui poussera exactement sur tes intentions, toutes tes intentions et avec tes intentions pour tous les joueurs, ben, c'est un idéal, mais il n'est pas atteignable. Et donc, les joueuses qui vont prendre le jeu, ben, elles vont être attirées par un élément ou un autre ou un Et ensemble des fois, ce ne d'éléments. sera pas l'intention. Des fois, c'est l'intention qui sera virée Voilà, pour garder uniquement exactement. le reste. Typiquement, le cas classique, c'est les gars qui achètent, ou les filles, hein, qui achètent un jeu pour jouer dans l'univers, mais avec un autre système, ou pour récupérer le système de résolution pour l'utiliser dans un autre univers, et qui ne lisent même pas le reste, ou qui le feuillettent au cas où, mais qui ne s'en soucient pas. Donc là, on a défini la nature des règles. Et du coup, on voulait embrayer avec les rôles, à quoi elles servent en fait. Alors, au niveau des rôles, si on dit que les règles, c'est tout ce qui influence la façon dont on va prendre une décision en jeu, en fait, tout ce qu'on va dire qui rentre dans le jeu, moi, je vois tout ce qui va vous inspirer. Une illustration, ça peut être une règle. À partir du moment où elle guide ce qu'on va mettre dans le jeu, pour moi, c'est pas différent d'une règle. Elle va vous guider. Agissez plutôt comme ceci ou plutôt comme cela. Suivez telle procédure. Elle va vous mettre des points pivots dans la fiction, des moments où les choses basculent et où les règles disent, là, attention, c'est la règle qu'elle contrôle, ce n'est plus les personnes autour de la table, et ça va basculer comme ceci, en général sur un jet de dés, mais pas toujours. Et parfois, le pivot, il est donné à un joueur qui devient un peu C'est laxe quoi et du qui part genre, à voilà ce qui se penser. passe quand un personnage se fait diaboliser, un vampire. Par Et exemple, là, on oui. est censé quand même respecter quelque chose, quoi. Ça se décide pas au doigt mouillé, quoi. C'est un peu préciser ce qui se passe, ouais. Tout à fait. Ou simplement, un exemple que j'aime bien dans Vampire, c'est dans le premier scénario, il y a une vampire très puissante qui est en torpeur, que les personnages sont censés découvrir, et qu'on est quand même sur un scénario un peu linéaire. Enfin, il y a de bonnes chances qu'ils la découvrent. Les joueurs ne savent pas qui c'est, mais s'ils la touchent, ils seront dominés. Ils perdront leur libre arbitre et ils la serviront. C'est un fameux pivot dans le scénario. Est-ce que le joueur, en parfaite méconnaissance de cause, va déclarer que son personnage touche ce PNJ ou pas? Et pour moi, un des meilleurs exemples de cette sensation de point pivot en jeu, ce sont les actions d'Apocalypse World, où on a vraiment des conséquences qui sont très souvent directement dans la fiction, qui sont précisées. Ouais, puis on approche à un petit peu comme une écriture de programme en if, then, else. Alors là, je fais de la programmation vraiment de base, hein, c'est-à-dire si il se passe ceci, alors sinon il se passe telle autre chose, quoi. Je pense qu'on peut écrire tous les jeux de rôle comme ça jusqu'à présent. Voilà, ouais. Et tu disais aussi que les règles, le rôle de règles, c'était de contrôler la tension. Là, j'ai besoin que tu m'expliques. Ah oui, ça j'en ai pas encore parlé. En fait, ce dont tu parles dans les règles, ça va orienter ton esprit d'une certaine manière. C'est ce que les psychologues appellent l'amorce. Pour donner un exemple tout à fait dans le domaine de la science de la psychologie, si on te fait remplir, c'est une expérience qui a été menée sur la façon dont on pouvait amorcer les gens vers un comportement ou l'autre sans qu'ils s'en rendent compte. Si on te fait penser au thème de la vieillesse, tu vas marcher plus lentement. Et ils ont mesuré ça de cette façon. Ils ont fait remplir aux gens un texte à trous où il manquait des trous qui étaient sur le thème de la vieillesse, donc courbés, cheveux blancs, etc. Et quand on leur disait aux personnes, aux Kobe, que l'expérience était terminée et qu'ils pouvaient rentrer chez eux, on mesurait le temps qu'ils prenaient pour traverser le couloir à la sortie de la faculté de psycho. Et on fait la différence entre les étudiants qui ont participé à l'expérience, qui avaient eu le texte à trous sur la vieillesse, et un texte à trous sur un autre thème, comme contrôle. Et donc, Alors, est-ce que tu, pour revenir au jeu de rôle, est-ce que tu veux dire que par exemple, si je te fais remplir une feuille de personnage de barbare avec plein dedans de mots-clés liés au combat, à la violence, ça va t'inviter à penser barbare, quoi, en quelque sorte? Mais très clairement, et le livre de règles, quand la moitié du livre de règles est consacré au combat, bah forcément, la première solution qui va venir à l'esprit des joueurs pour régler un problème dans le jeu, ce sera le combat. Ça, Oui, ça. puis on en revient avec l'idée de la boîte à outils. Je veux dire, si dans ta boîte à outils, et il n'y a que des marteaux, tous les problèmes vont, tout ce que tu vas rencontrer va commencer à ressembler à des clous, quoi. Bon, tout à fait. Maintenant, il ne faut pas pousser ça trop loin, mais je suis certain que la manière de rédiger un jeu et ce que tu mets, je veux dire, comme élément de décor, va influencer consciemment et inconsciemment ce que les joueurs vont produire comme partie, ce que les joueuses vont partir comme partie. Ça oriente, ça influence. Maintenant, ce n'est certainement pas une science exacte, parce que quand je dis si la moitié du bouquin est consacrée au combat, les joueurs vont combattre, ça peut avoir exactement l'effet inverse. Je reprends l'exemple de Donjon. Il y a les règles de combat au corps à corps qui sont longues et compliquées. Ben, en général, les joueuses vont tenter d'éviter le corps à corps pour ne pas devoir sortir ces règles-là qu'elles connaissent moins bien, ou alors elles vont improviser un système simplifié pour régler la question. Et le rôle suivant que tu as abordé qui m'intéresse pas mal, c'est la transmission de. Qu'en fait, les règles servent à transmettre des techniques, des routines, des outils. Voilà, ça Alors, je je suppose que pense. là, on peut retrouver les conseils de jeu, quoi. Tout ce qui est un petit peu mou hein, comme règle, ce qui est un peu flottant, entre guillemets. Ce que Oui. l'auteur n'a pas réussi à mettre sous forme de règles plus prescriptives ou n'a pas voulu. Mais Et je pense. il y a aussi des règles tout à fait dures. Les jeux de l'héritage forgéen, ont quasiment supprimé les conseils de jeu et les ont transformés en règles, mais tu Mais ouais, tu peux. prends les principes d'Apocalypse World, c'est juste des conseils de jeu, sauf qu'ils sont ventilés sous forme de checklist, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais aussi la manière dont on crée les personnages à Apocalypse World, les questions que l'on pose pour créer les relations de personnages, ben, c'est une technique qu'on peut prendre et transposer dans un autre jeu sans difficulté. Mais en fait, moi j'avais une réflexion sur là-dessus, c'est que souvent en fait comment l'auteur ou l'autrice hein, va créer un jeu et il va avec ses propres règles, il va y faire jouer et après derrière il va rédiger un jeu. Et souvent le jeu il est rédigé de façon à automatiser une pratique que l'auteur a à sa table. Et j'ai tendance à penser que le jeu écrit n'est pas le jeu tel qu'il a été joué par l'auteur. Oui, il y a Et souvent que souvent, en des fait, déviations. l'auteur, en essayant d'automatiser sa façon de jouer, l'automatiser sous forme de livre, il finit par transmettre en fait une façon de jouer qui est finalement différente de sa véritable pratique. Tout à fait. Mais on peut en retrouver des choses intéressantes quand même. Mais c'est vrai qu'à Ah force oui, des fois de ça peut mettre des tests, choses intéressantes. c'est vrai qu'à force de tests, de playtests, de réécriture, et puis des évolutions du goût de l'auteur au fur et à mesure, et puis de voir ce qui plaît plus aux gens au moins, il va s'éloigner de ce qu'il faisait pour arriver à autre chose. Et puis lui, quand il pratiquait, à supposer qu'il ait inventé son jeu au fur et à mesure, ben, il partait d'une base, et là, il donne autre chose aux joueuses. C'est le cas, je pense, de beaucoup de jeux de rôle traditionnels où les auteurs et autrices du jeu ont inventé le décor de partie au fur et à mesure. Et le fait de découvrir ce décor de partie et de l'inventer au fur et à mesure faisait partie intégrante du plaisir de jeu. Et puis quand ils écrivent leur jeu, ils livrent un bouquin de 300 pages parce qu'ils ont pris les 200 pages qu'ils avaient déjà inventées, ils ont rajouté 100 pages parce qu'il y avait des coins qu'ils n'avaient pas explorés en jeu. Et quand on joue à ça, ben on est dans le même univers, mais on n'est pas dans le même jeu parce qu'on n'invente pas. Et Voilà. donc, ce que tu disais, pardon. Et alors mon dernier point sur les règles, c'est que dans l'acceptation conventionnelle, elles sont globalement statiques. Par Alors, rapport à une partie que tu disais. oui, je dis par rapport à une partie, parce qu'en général, on va se permettre de changer les règles entre les parties quand on a Bah, ne serait-ce rencontré que un tu prends problème. Donjons et Dragons, bah, quand on passe de niveau, quelque part, on change les règles, quoi. Aussi, tout à fait. Mais aussi, on a rencontré un problème ou on a fait une erreur d'interprétation, ben, on va changer les règles entre les Voilà, parties il y a ou des jurisprudences simplement. qui vont apparaître. Ou dans l'ancienne pratique, qui avait quand même du bon, je trouve, d'avoir des règles de débutants et des règles normales et puis des règles optionnelles avancées qui permettaient une découverte et un apprentissage progressif du jeu. Eh bien, on pouvait dire, bah, attention, à partir de maintenant, on applique les règles avancées, vous ajoutez cette feuille à votre feuille de personnage, les C'est vrai combats, qu'ils bah, on sont va dire. encore avec les kits de démo, quoi. Oui, et puis chaque fois qu'on ajoute un supplément, on ajoute une couche de règles au jeu. Mais là, on est nouveau dans du très mainstream traditionnel. Mais là, on a quand même posé quelque chose d'important, en fait, déjà. C'est une sorte de contrat tacite que les règles, elles vont rester les mêmes pendant la partie. Oui, et encore. Je pense que le jeu de rôle à règles parfaitement statiques est aussi rare et impossible que le jeu de rôle sans aucune règle fixe. Parce qu'il faudrait que la table fasse jamais aucune erreur d'interprétation ou fasse jamais aucun passage en règle d'or, entre guillemets, voilà, Oui, cette fois-ci on ignore le ou ne sortent truc. jamais du jeu. Je veux dire, c'est facile avec un jeu de plateau d'écrire des règles qui. Enfin, facile, tout est Qui relatif. couvre toutes les Qui situations. couvre toutes les situations, mais avec la richesse infinie possible en jeu de rôle, il arrivera toujours un moment où on a envie de confier la chose aux règles et où il n'y en a pas ou pas qui correspond. Oui, il peut y en avoir, et puis Où on ne les connaît pas, où on fait une des erreur. fois on est prêt à passer 1 heure à gérer un combat en utilisant toutes les règles, et puis des fois on va gérer le combat en 1 jet de dés, alors que c'est pas prévu, puis des fois on va le faire en narratif pur, quoi. Et puis il y a des jeux qui viennent en kit, qui sont un coffre à jouets, où il y a plusieurs manières d'utiliser les règles, je veux dire, selon que tu veux donner de l'importance aux choses ou pas, selon que tu veux que l'adversité soit forte ou pas. Le dernier jeu en date que j'aime beaucoup qui fait ça, c'est Blades in the Dark de John Harper qui vient de sortir. Bien, le système de résolution est assez souple et à l'opposé d'Apocalypse World, dont on te dit dans tel cas il se passe ceci et tel cas est très précisément décrit, c'est ah ben s'il y a un combat, vous pouvez le régler en pas de jet de dés, en un jet de dés, en 5 jets de dés, en 10 jets de dés, voilà, selon l'envie de la table à ce moment-là ou l'envie du meneur ou de la meneuse à ce moment-là. Je sais pas si Blade in the Dark est le meilleur exemple pour ça parce que je l'ai pas lu. Et puis, je pense que ça c'est encore autre chose, mais on commence aussi à avoir des jeux qui, entre guillemets, incrémentent la pratique du Rolling Not Rules. Hein. Donc, Rolling Not Rules, c'est une pratique de ceux qui jouent old school, qui veut dire grosso modo de l'arbitrage plutôt que les règles. Je traduirais comme ça, quoi. Où il y a des règles, on les applique quand ça nous arrange, et quand on c'est plus facile, eh ben de faire sans, ben on fait sans, quoi. Ou on les modifie, enfin voilà, c'est-à-dire qu'on joue avec un respect très relatif de la règle écrite, quoi. Oui, ou une règle qui peut être interprétée pour servir dans différentes situations. Ouais, sans parler des règles qui, de toute façon, sont rédigées de façon ambivalente, qui fait qu'on n'est pas du tout sûr de comment bien utiliser. Oui, ou qui permettent de rester légère et peu détaillée, et c'est la table qui va remplir un peu ce qui manque au fur et à mesure des besoins. Je dirais un exemple que j'ai déjà rencontré. On a un jeu, bah, puisque c'est de l'OSR, c'est souvent du donjon, du Medfan. Tout d'un coup, il y a un voleur qui vole quelque chose à un personnage et qui s'enfuit dans le marché. La poursuite dans le marché, c'est typiquement pas le genre de règle qu'on va trouver dans ce type de jeu avec les obstacles qui peuvent surgir. Et là, on doit interpréter le système pour le plier à la situation. Oui, voilà, c'était juste pour insister sur le fait que je pense maintenant il y aura des bases de jeux de rôle qui vont intégrer voilà, le rolling not rules, ce qui est d'ailleurs presque, entre guillemets, un pied de nez à la pratique, hein, puisque du coup c'est carrément les règles. Mais bon, on l'avait déjà avec la règle d'or dans Vampire, quoi. C'était déjà une intégration du rolling not rules dans le livre de règles, quoi. Oui, je pense. Alors je pense. L'esprit n'est pas tout à fait le même, mais c'est des cousins, quoi. Bah, disons qu'il y a la raison de pourquoi on ignore la règle. Voilà. Je pense que dans Vampire, on ignore la règle au service de l'histoire, quoi. L'histoire est supérieure à la règle. Sans doute que dans le old school gaming, ça va être mon temps de cerveau est supérieur à la règle, quoi. Si j'ai pas envie de me prendre la tête, je chante la règle, ou alors ça va être. Le fun est supérieur à la règle, quoi. Du moment que c'est rigolo, on fait comme ça. Après, j'aurais peut-être d'autres exemples, mais je pense qu'il y a des raisons différentes de chanter la règle. Mon interprétation personnelle, hein, y a pas, y a, j'ai pas trouvé ça dans un bouquin qui disait que c'était comme ça. C'est que dans Vampire, on va chanter les règles quand les règles qui sont prévues prévoient quelque chose qui ne convient pas par rapport aux intentions du jeu ou à la partie des intentions du jeu qu'on a décidé de jouer Ouais, ce mais c'est jour-là. des intentions en termes de dramaturgie, parce que c'est ça qui Tout était à fait, important dans tout à Vampire. fait, tout à fait. Et tandis qu'en old school Renaissance, on va pas tellement chanter la règle, mais on va l'extrapoler pour prévoir justement les situations que les règles n'adressent pas. Donc dans Vampire, c'est quand on se retrouve en contradiction avec la règle sur quelque chose que la règle précise, et en old school Renaissance, c'est justement quand on sort du domaine de la règle et qu'on doit aller plus loin. Enfin, c'est mon Ouais, voilà. Ouais, interprétation tout à fait parce que les règles personnelle. de Vampire étaient beaucoup plus recouvrantes, en fait, que les règles de Donjons et Dragons, Boîte Rouge et compagnie, quoi. Tout à fait. Je pense qu'on a bien fait le tour de qu'est-ce que le jeu sans règles, parce que sinon, ça va faire un podcast sur le jeu sans règles, on n'aura pas le temps de parler du jeu sans règles. Et sur la nature de la règle, oui. Et Ouais, alors mais moi, c'était important d'en passer par là, je pense. comme nous sommes avec toi, ben moi j'avais envie de voir un peu ça par rapport aux atomes. Mon expérience personnelle de jeu sans règle, qu'on n'a toujours pas définie d'ailleurs, c'est plus drôle comme ça, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire du jeu sans règle si on vise quelque chose de social, d'esthétique ou certains jeux moraux. Ça Que passe tactique. Tu veux dire que... qu'en tactique, c'est compliqué de se passer de la règle. Dans le jeu de rôle tactique, je pense que les joueuses, elles ont besoin d'un monde fictionnel qui soit bien solide, dont connaît bien les propriétés pour, entre guillemets, que bah, le combat, enfin, les défis à résoudre, ça puisse être fait avec quand même un minimum d'équité, quoi. Et donc la règle, en plus, surtout si c'est des règles qu'on appelle des règles opposables, c'est-à-dire que on peut opposer au maître de jeu, dire, attends, si je sors le bouquin, la règle, elle dit ça, donc j'ai le droit de faire ça, quoi. Et donc quand on se passe de la règle pour trancher des situations tactiques, eh bien, par l'arbitraire du MJ, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est que justement, le MJ peut être arbitraire, c'est-à-dire les joueuses ont proposé une solution ingénieuse, mais le MJ la refuse, sans forcément avoir de raison solide. Il n'a pas de scénario pour prouver qu'il n'y avait qu'une solution unique, il n'a pas de règles, ce qui fait que les joueuses, de toute façon, ne peuvent pas glaner des indices ou remporter des victoires juste par la chance au dé, quoi. Et l'autre problème aussi, c'est que finalement, des fois, c'est aussi les joueuses qui peuvent. Donc là, on a ça, c'est une forme de déséquilibre en jeu tactique sans règles. Et aussi, en jeu tactique sans règles, l'autre déséquilibre possible, c'est que finalement, les joueuses l'emportent, écrasent entre guillemets le MJ par leur bagou et elles dénouent toutes les situations bah, au bagou, hein, puisque du coup, il n'y a aucune. Ça veut dire qu'en combat, elles vont peut-être rétamer n'importe quel adversaire juste parce qu'elles ont pas mal d'idées et que le MJ n'ose pas refuser toutes ces bonnes idées. Tandis que si on avait des règles qui disaient que bah non, je suis désolé, t'es après être niveau 0, tu peux juste pas dégommer un dragon, c'est juste impossible quoi. Il suffit de regarder les stats blocs de toi et du dragon et on comprend tout de suite qu'il n'y a aucune chance, quoi. Voilà. Pour moi, en fait, je vais prendre une analogie un peu brutale. Faire de l'affrontement entre joueuses, que ce soit parce que le meneur devient arbitre d'un scénario ou parce que les joueuses s'affrontent entre elles, faire de l'affrontement entre joueuses ou du combat de la joueuse contre un élément du jeu en jeu de rôle sans règles, ça demande plus de confiance, et ce serait analogue pour moi à décider, bah, allez, on va lutter ensemble, on va se combattre, je veux dire, peut-être se mettre des pains, peut-être faire des clés de bras, je sais pas, mais si on décide, et ça se voit parfois en groupe de C'est personnes, l'équivalent russistique du Free Fight, en fait, oui, le c'est jeu ça, sans, ouais. c'est du free fight, et quand il n'y a pas de règles, bah, il faut être beaucoup plus en confiance. Et on va tomber sur des dynamiques de personnalité et des dynamiques de groupes sociaux qui vont modeler les choses. On ne peut pas s'abriter derrière la règle pour dire ce qui est fair play, ce qui ne l'est pas. Mais ça pose aussi des problèmes pour le jeu de rôle moral, parce qu'en fait, dans un jeu où, si tu veux, le rôle du MJ, c'est de mettre la pression sur les joueuses avec des dilemmes moraux ou des positionnements moraux ou des cas de conscience, on est quand même sur une forme de jeu où le MJ est en compétition avec les joueuses et en plus, assez généralement, il y a aussi une compétition des personnages entre eux, quoi. Et donc, de même, si on n'a pas de règles pour trancher les désaccords, eh bien, ça pose, comment ça peut rendre le jeu moral particulièrement risqué, quoi. Oui, il faut vraiment Et du de la coup, confiance et de la maturité. voilà. Parce que sinon, soit la joueuse, elle va en sortir meurtrie, entre guillemets, ou alors elle va en sortir. Elle va se dégager du jeu, c'est-à-dire qu'elle va arrêter de défendre son personnage, parce que de toute façon, derrière, elle a aucune garantie que les intérêts de son personnage soient qu'elle puisse les défendre des chances équitables de réussite ou des chances prévisibles de réussite, quoi, en l'absence de règles opposables, quoi. En fait, jouer sans règles, ça empêche à une personne socialement normale de s'impliquer à fond et de dire j'y vais à fond, peu importe. On doit en permanence s'interroger sur est-ce que je reste dans les limites, est-ce que ce que je fais est acceptable pour l'autre? Alors, moi, je renverrai au podcast de la cellule sur Arbre. Du coup, c'était à l'époque où Arbre se voulait sans règles. C'est-à-dire, bon, il y avait une création de personnages qui était essentiellement narrative, quoi. Donc, grosso modo, c'était juste une invitation à mettre tel ou tel détail sur ses faits de personnages. Et après, quand on jouait, au niveau de la résolution, il n'y avait pas de règles. Et du coup, c'est vrai que, notamment Romaric Briand, hein, qui jouait à la table, il avait été assez désarçonné par ça et il avait opposé certains arguments qui sont tout à fait recevables au fait de jouer sans règles. Et notamment, il disait, si tu joues sans règles, finalement, Il y a des règles, mais c'est juste qu'il y a qu'une seule personne qui les connaît, quoi. C'est celui qui a, entre guillemets, proposé le jeu, et du coup, ça placerait la personne qui propose du jeu sans règles dans une position de dominance, tu vois, un peu malsaine, quoi. La question, c'est à partir de quand est-ce que ça devient un peu malsain? Voilà. Alors, dans cette, par exemple, on pouvait tout à fait l'entendre dire que c'était malsain ce playtest d'arbre, parce qu'en plus, les personnages, ils avaient quand même bien dégusté, quoi. C'était allé assez loin dans ce qu'ils avaient dû subir. Donc, effectivement, le fait, concrètement, si la partie avait été jouée avec des règles posables, les choses se seraient passées différemment, quoi, et auraient été reçues différemment. Mais, effectivement, jeu de rôle esthétique ou jeu de rôle social, j'ai beaucoup moins de prévention. Parce que quand on joue en esthétique, on joue, si tu veux, pour le style, pour que ce qui se passe soit mémorable et envie de dire aussi, c'est une forme de jeu en performance artistique, quoi. Et du coup, la confiance entre joueuses, peut suppléer en fait à l'absence de règles, puisque en fait on s'en fiche vraiment que notre personnage gagne ou perde. Ce qui compte, c'est que ce soit classe, quoi. Et du moment qu'on a la maturité, par exemple, pour ce que Jenny appelle jouer l'impact, notre personnage peut subir à peu près n'importe quoi. On saura rebondir, quoi, et continuer à proposer du jeu avec ça, quoi. Après, tu vas me dire que du coup, c'est un peu les joueuses qui amènent leurs règles de savoir vivre ou de savoir jouer, qu'ils amènent à la table. C'est ça qui va faire office de règle, quoi. Tout à fait. Mais je pense que le jeu de rôle avec règles diminue cet aspect des choses, mais ne l'annule pas. On vient quand même avec notre savoir-être et savoir-faire social. Et des fois, les règles sont en contradiction avec ton savoir-être social. Elles vont te demander de jouer autre ou tout simplement avec ton truc IB. On pourrait dire qu'on a des gestes rôlistes nus, c'est-à-dire des façons de jouer qui sont indépendantes des règles. Et des fois, en fait, si tu veux, les règles du jeu auquel tu vas jouer vont être en opposition avec ta façon de jouer naturelle. Je reprends un article de Jenny où elle explique que sa pente naturelle, c'est de jouer le ravin, c'est-à-dire jouer des personnages qui échouent, en fait. Et ça n'avait pas marché à Sur les frontières. Parce que dans Sur les frontières, les règles te poussent à jouer un personnage qui se bat, en fait. Qui se bat pour garder sa place, pour garder son rang. Et même s'il y a de fortes probabilités de chuter, effectivement, il faut qu'il soit battu. Il ne doit pas se rendre sans lutter, quoi. Oui, mais ça, c'est pas, c'est deux manières de jouer totalement différentes. On peut accrocher tout à fait à la proposition apparente, à la première apparence du jeu qu'on va jouer cette lutte, mais on peut jouer l'esthétique de la lutte en choisissant sa chute, où on peut vraiment lutter. C'est deux options différentes, et on peut très bien accrocher à l'idée de la lutte du jeu sans savoir laquelle il propose finalement. Et donc dans le jeu social, là aussi je pense que le jeu sans règles est facilité, quoi. Parce que en fait, bah déjà, effectivement, on va avoir le savoir-être des joueuses qui va suppléer aux règles. Leur aisance sociale qui va suppléer aux règles. Et puis aussi, pour être un peu extrême, dans le jeu de rôle social, en fait, que la partie soit réussie ou ratée n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de passer un bon moment entre personnes, quoi. Voire même des fois, on va passer un bon moment parce que la partie est ratée, entre guillemets, et parce qu'on va s'amuser ensemble à faire rater cette partie, quoi. Ah oui, c'est comme regarder volontairement des films de série Z ou des Voilà, par nanars. exemple, Mais je pense que le jeu de rôle sans règles, quel que soit le degré de sans règles, il a besoin d'une bonne rasade de composantes sociales pour bien fonctionner. Parce qu'on doit faire attention aux autres, vérifier que ça leur plaît, que c'est acceptable pour eux. Ouais, alors je pense qu'on va y revenir plus tard parce que là on rentre vraiment dans le gras du sujet. Donc on va avoir l'occasion d'en revenir de façon un peu plus appuyée sur ce qu'on a préparé. Et alors moi, à tes quatre composantes classiques, j'ai toujours envie d'ajouter une composante mécanique que je peux faire rentrer dans l'esthétique, mais pas nécessairement, qui est tout le plaisir de la mécanique de jeu en dehors de la fiction, qui peut être un réel plaisir autour de la table, le fait de manipuler les mécaniques, que ce soit des mécaniques de tour de jeu, de tour de parole, de relais entre les personnages ou entre les joueurs, Ouais, ou de que ce devenir soit des jouer les mécaniques mécaniques et de voir vraiment ce que ça donne, mathématiques. quoi. Voilà, ou simplement bien préparer son personnage en choisissant bien ses défauts, ses qualités, en achetant bien les caractéristiques qu'il faut. Je veux dire, à Shadowrun, par exemple, où la création de personnage est un jeu en elle-même, où on peut gagner ou perdre Ouais, presque. t'as ces joueuses qui adorent passer du temps à créer leur personnage, justement, en optimisant bien, et qui en fait, ça les fait chier de les jouer, quoi, ou de jouer les règles après, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ça, forcément, l'aspect mécanique, si on s'en libère, s'il est improvisé, ben, en jeu de rôle sans règles, ça tombe à plat. Je vais lier ça à ce que j'appelle l'esprit de playtest. L'esprit de playtest, c'est le plaisir pris à tester le jeu, en fait. Donc je pense que c'est vraiment enfin, assez synonyme de ce que tu nous expliques. Et notamment, ça veut dire, par exemple, si tu es en convention et qu'il y a un auteur qui te propose un de ces jeux qui est en playtest, si tu joues dans un bon esprit de playtest, par exemple, tu vas essayer d'utiliser toutes les compétences qu'il y a sur ta feuille de personnage pour qu'on voit ce que ça donne en jeu. C'est-à-dire que finalement, tu prends pas des décisions, c'est pas le personnage qui prend des décisions, c'est la joueuse qui prend des décisions en disant ok, ouais, là il faut que j'actionne, il faut que j'essaie d'actionner telle règle, enfin, faut que je teste un maximum de règles. Ou alors je vais prendre une règle et je vais la tester au maximum, je vais la faire monter dans les tours, je vais voir si ça marche en situation extrême et tout. Et ça, à la rigueur, ce plaisir dans le jeu sans règles, tu peux quand même le retrouver. Juste dans le plaisir de dire, bah, on va tester ce que ça fait de jouer sans règles. Aussi, oui. Mais moi, ton esprit de playtest, je peux le décomposer en trois, et j'espère que je vais me souvenir du troisième morceau une fois que j'aurai dit le deuxième, en trois envies différentes. Il y a une appétence pour la nouveauté qui fait qu'on a envie d'essayer les choses. Il y a le plaisir de faire fonctionner la mécanique en elle-même pour voir ce que ça fait de la faire fonctionner, comme on actionne des engrenages juste pour voir comment ils tournent et ce que ça fait comme résultat. Et voilà, je m'en doutais, j'ai perdu mon troisième point en cours de route, Bah, est-ce j'ai que un tu tout voulais petit dire cerveau. rendre service à l'auteur, tout simplement, quoi? Non, non, je ne parlais pas de l'aspect social. Il y a l'envie de complétion, comme ces joueuses qui ne peuvent pas poser un jeu vidéo avant d'avoir essayé toutes les possibilités. Ouais, donc tu dis si j'ai pas utilisé 100% des règles du jeu, j'ai un goût de pas fini, Voilà. quoi. Et ça, parfois, c'est une frustration qui m'arrive de temps en temps chez moi quand je joue un scénario du commerce. Oui, ça m'arrive. C'est à un moment donné, j'ai envie d'aller explorer deux branches du scénario qui ne sont pas compatibles. Ah, il faut que tu joues en vertige logique, comme ça tu peux faire Oui, plusieurs mais c'est difficile de trouver des joueurs qui te font jouer des scénarios du commerce qui peuvent te suivre là-dessus. règles. Par exemple, tu arrives devant la tanière d'une créature extrêmement dangereuse et cette tanière promet d'être extraordinaire parce que très très rare, etc. Et la bonne décision, entre guillemets, c'est de ne pas y rentrer, de l'éviter. Et parce que tu as envie de continuer le scénario et d'arriver jusqu'au bout et de voir ce qu'il y a après, tu dis ben, je n'y vais pas. Et en même temps, tu dis quand même envie de savoir ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que ça ferait d'aller explorer ça. Et il n'y a pas beaucoup de joueuses ou de meneuses qui sont prêtes à dire bah, écoute, on va jouer l'un et puis l'autre, quoi. Il y a Batronoban qui prépare un jeu qui s'appelle Étrange Empire, et apparemment, à ce stade de développement, ce qu'il a décidé, c'est que ce soit un unique scénario que tu peux rejouer à l'infini, en fait. Alors, à Bah. voir la réalisation, mais l'idée intéressante, quoi. Ah, c'est provocant, ouais, c'est intriguant. Donc, avant de passer au jeu sans règles, à essayer d'en dessiner un peu les contours plus nettement, enfin, pour sinon qu'il y ait des contours, on voulait aborder ce qu'on appelait le jeu pas vraiment sans règles. C'est Une approche progressive voilà, une par espèce le d'hybride, en dépouillement. fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, pour commencer, moi, je voulais un peu citer de biblio, puisque il y a un site qui s'appelle Le jeu de rôle sans règles, Anthologie du jeu sans règles, plus exactement. Et tu dis, bah, qu'est-ce que je peux trouver dans une anthologie du jeu de rôle sans règles? Je devrais rien trouver du tout, quoi. Ça devrait être une page blanche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne propose des scénarios. Donc des scénarios sans mécanique de résolution, hein, des jeux des scénarios. Il propose des règles. C'est-à-dire qu'il y a un système de dés qui fait un peu penser à la charte angoumoise. Je ne sais pas si tu vois c'est quoi la charte angoumoise. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais vu. La charte angoumoise, c'est il n'y a pas de feuille de personnage, c'est juste très narratif. Mettons, n'importe quoi, on joue les trois mousquetaires. Bon bah, on se doute que D'Artagnan va être naïf et très courageux, que Porthos va avoir du bide et l'ex-mari de Milady. Et que Aramis est un séducteur, quoi. Donc si Aramis tente un jet de séduction, bon bah je vais demander un jet de dé, n'importe lequel, et je fixe un seuil. Donc si c'est Aramis qui fait un jet de séduction, je vais fixer un seuil de réussite plutôt bas. Si c'est, mettons, Athos, voilà, qui n'est pas de ce qu'on connaît des Trois Mousquetaires, c'est pas spécialement un joli cœur. Eh ben Athos, il va avoir un seuil de difficulté haut, quoi. Et en fait, tout se fait comme ça. Donc à chaque fois, dès qu'il y a entre guillemets, dès qu'il y a une résolution, dès que le MJ pense que là, ça doit se trancher au dé au hasard, eh bien, il va fixer à la joueuse concernée de lancer un dé et il va fixer un seuil de résolution. Dont la valeur correspond un peu à l'idée qui se fait de la difficulté de la situation en fonction de ce qu'on sait narrativement de la situation, Oui, quoi. au doigt mouillé. Et alors ça confirme l'idée que ce qu'on appelle jeu de rôle sans règles, ben, des règles, il y en a quand même malgré tout, et qu'il y a parfois même des mécaniques. Ici aussi, Surtout, là, ce qu'on a, c'est surtout de la règle interprétable, quoi. Oui. Déjà, en fait, les règles opposables commencent à s'effacer au profit des règles interprétables. Il y a une règle aussi en dur là-dedans, c'est le meneur qui décide, bien qu'à mon avis, autour de la table, si le meneur dit c'est une difficulté impossible et que le joueur, lui, ça lui semble possible, va dire eh oh non, et ça va être négocié. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai souvent joué comme ça, j'appelle ça le système jette un dé. Je pense Oui, que c'est de la charte angoumoise, hein, c'est complètement ça. je veux faire ça, bah, jette un dé. Ouais. Et donc sur ce site aussi, il liste des événements en fait. Est-ce que je peux cliquer dessus? Des événements en fait consacrés au jeu de rôle sans règles, notamment la convention Super Héros à Toulouse. Où en fait, au début, c'est le jeu sans règles est rentré par la petite porte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à maîtriser des scénarios sans système de résolution. Et puis en fait, aujourd'hui, apparemment, c'est majoritairement. Alors, est-ce que ça existe encore? Il paraît que c'est la plus vieille convention qui existe. Bon, en tout cas, la dernière fois que j'ai entendu parler, majoritairement, c'était du jeu de rôle sans règles. Et apparemment, il y a aussi une convention qui s'appelle XL à Paris. Alors bon, le site du jeu de rôle sans règles, bon, il est un peu daté. Hein. Donc, il est possible qu'on parle de convention qui... Ah, convention XL Paris. Ouais, 2008. Apparemment, il n'y a rien eu depuis 2008. Ou alors, ils ont changé de site. Mais bon, c'est une convention aussi qui était... Son programme ne comptait pratiquement que du jeu de rôle sans règles. C'était quand même suffisamment... expandu, en fait, pour qu'il y ait carrément des événements qui soient dédiés, quoi. Oui, et puis il y a tout, on peut remonter très loin. Je pense que les premières approches de jeux de rôle qui s'appelaient pas encore jeux de rôle, c'était à peu près sans règles. Quand je veux dire très loin en arrière. Quand il commence à faire du jeu de rôle dans le wargame ou dans les jeux de guerre, c'était quoi, Bronstein, je crois. Le nom me dit quelque chose. Au début, en fait, si tu veux, dans les wargames, avant que Donjons Dragons apparaisse ou même Chainmail, il y avait des situations quand même dans les. C'était pas uniquement un affrontement de figurines où tout pouvait être. Comment, où tout pouvait être. Il n'y avait qu'uniquement des règles posables. Il y avait souvent un arbitre, une tierce personne, Oui, et qui lui ne jouait pas. voilà, qui ne jouait pas. Et moi, j'ai vu ça jouer. Il y a des joueurs d'Argade qui font ça encore aujourd'hui. Argade, c'est un jeu d'un wargame breton. Où en fait, il y a des figurines de base, des fantassins, si on veut. Et puis, il y a quelques personnages. Entre guillemets plus importants, des héros, on pourrait les appeler comme ça. Et les héros, ils ont des objectifs narratifs, tu vois, en plus de la bataille, il faut qu'ils aillent libérer un otage ou qu'ils sécurisent un pont, des choses comme ça. Et ça, en fait, c'est géré au roleplay et avec, du coup, l'arbitre qui va trancher, quoi. Et qui sans doute, à un certain moment, disait, bah, écoute, moi j'estime qu'il y a 4 chances sur 6 pour que ça Oui, réussisse et voilà, je vais du te coup, l'aider. une petite charte framboise pour huiler les rouages, quoi. On est presque à jouer soit à la charte angoumoise, soit à l'improvisation système. Par exemple, j'estime qu'il te faut remporter trois objectifs avant d'atteindre ton objectif global. Et Ouais, puis on fait le voilà. premier, le deuxième, le Ou pour troisième, bon, on a vu qu'un. sécuriser le pont, on va dire qu'il faut que tu tiennes 3 rounds. Enfin, faut que tes troupes tiennent 3 rounds sur le pont. Et Par s'il te reste exemple. encore une figurine de vivante sur le pont au bout de 3 rounds, on considère que tu as mis en place les barricades qui font que c'est sécurisé, quoi. Voilà. Et ce qui peut être écrit dans les règles du scénario, au sens wargame du terme, ou Ou alors décidé par improvisé par l'arbitre en cours de l'arbitre. jeu. Et donc, je voulais poursuivre avec mes approches personnelles, justement, de jeux de rôle presque sans règles. Donc, au début, je voulais faire. Quand j'ai commencé à concevoir Arbre, je voulais qu'il n'y ait pas de règles. Puis, bon, j'ai pas réussi à le faire tourner, donc je laissais tomber. Et puis, après, j'ai voulu faire une simplification d'Inforenza, qui est avec des dés. Avec une narration tour par tour, enfin, c'était très régulé. J'ai presque à dire que c'est un jeu qui est entièrement composé de règles posables, hein, donc plus régulé, il n'y a pas, quoi. Et donc je l'ai simplifié. Il y avait plusieurs dés, j'ai réussi à tout gérer avec un seul dé. Et puis j'ai simplifié, simplifié, je suis arrivé à Inforenza Minima, où pour faire simple, la résolution, c'est que si le personnage veut faire quelque chose d'important, eh bien, le MJ annonce un prix à payer. Le MJ ou d'autres joueuses, parce qu'on peut jouer sans MJ. Et donc, il y a bien une règle. Ça, ce que je viens de t'énoncer, c'est une règle. Mais ça commence à pas beaucoup ressembler à ce qu'on connaît du jeu sans règles, parce qu'il y a pas de hasard et il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de feuille de personnage, il n'y a pas de matériel du tout. Et la règle, elle est complètement diégétique. D'ailleurs, j'envisage même de réécrire Inforenza Minima tout simplement en expliquant que le prix à payer, c'est vraiment une règle d'univers, dans le sens où c'est l'univers qui veut, entre guillemets, magiquement, c'est métaphysique, qui veut que si personne, que pour réussir les choses qui sont vraiment importantes, le personnage soit obligé de payer des prix, quoi. De sacrifier quelque chose, quoi. On n'a rien sans rien, quoi. C'est une sorte de règle d'univers. Tu m'interromps, hein, si tu as C'est des questions l'univers derrière. transactionnel. Voilà, c'est un univers transactionnel, ouais. Tout à fait. Pour reprendre mes propres termes. Exactement. C'est une règle que tu peux voir comme diégétique ou comme une règle extérieure à la fiction, une règle du jeu au choix, mais Et en elle est là. fait, au début, je la présentais comme extérieure à la fiction, ou des fois, et des fois, il y avait pas mal de parties du Final Fantasy où je n'explique pas que c'est une règle. C'est juste qu'à chaque fois que le personnage se trouve en situation de vouloir réussir quelque chose d'important, je dis, bah ouais, tu peux, n'importe quoi, tu peux réussir à tuer cet ours qui a mangé ta famille, donc toi, c'est vraiment important pour toi de le tuer, mais à condition, si tu, si, comment, si tu le fais, l'ours va te manger un bras au passage, quoi. À aucun moment, j'expliquais à la joueuse qu'il y avait cette mécanique de prix à payer, quoi. Donc, j'applique une règle, mais du coup, ça devient une règle cachée, quoi. Mais tu pourrais écrire le jeu en expliquant les techniques et les intentions, les modes de réflexion sur comment bien proposer des échanges qui vont être fertiles et acceptables pour les joueuses. Et sur une Forenza Minima, tu vois, j'hésite entre trois postures. La première qui est d'expliquer cash, ben voilà, c'est la règle, c'est ça. Si vous voulez faire un truc important, il faut payer un prix. L'avantage de cette posture, c'est que si les joueuses ont accepté la règle, le jeu va se passer beaucoup mieux, beaucoup plus sereinement, quoi. Parce que les débriefs un peu épineux que j'avais avec une Forenza Minima, c'est quand finalement, à la fin de la partie, la joueuse m'apprend que cette façon, que ce système de prix à payer, c'est quelque chose qu'elle trouve injuste, quoi. Ou entre guillemets, c'est pas une façon de faire qui lui plaît, quoi. Donc au moins, définir la règle à l'avance, ça permet, entre guillemets, de filtrer à l'entrée, quoi. Oui, encore que se rendre compte juste sur l'énoncé de la règle de ce qu'elle implique, c'est pas toujours évident, hein. Mais ça fait déjà un premier tri. Bien sûr, mais bon, c'est entre guillemets, t'as été quand même le plus cash possible. Oui, on ne peut pas te le reprocher en tout cas. Voilà. Il y a ce que j'ai aussi beaucoup fait, c'était de ne pas expliquer les règles. Et qu'en fait, voilà, c'est. Et ça fonctionnait très bien. Finalement, à chaque fois que j'ai fait. Soit parce que je suis tombé avec des joueuses qui n'aiment pas les règles, en fait. Et que du coup, dès que la règle s'entend, ça les perturbe. Soit parce que j'avais des joueuses qui, en fait, qu'on leur aurait expliqué, elles auraient accepté quand même. Ou alors, ça fonctionnait pas mal pour tout ce qui est jeu sur le pouce, une partie de 1 quart d'heure à 1 heure. On gagne beaucoup de temps en se passant d'expliquer la règle. Et la troisième approche, que j'ai malheureusement pas encore testée, ce serait de. Justement, de dire que c'est l'univers qui veut ça, en fait. C'est pas une règle dans le sens système de résolution, en plus, dans une Forenza Minima, c'est un monde de mille veaux, c'est un monde magique, donc je peux très bien dire, voilà, c'est la métaphysique de l'univers fait que tu n'as jamais rien sans rien, c'est comme ça, quoi. C'est magique, c'est karmique. Et là, ça peut... Je pense que c'est encore cette troisième méthode qui, à mon sens, pourrait plus faciliter l'acceptation par la joueuse, quoi. Tout à fait. L'acceptation, ou en tout cas, c'est cash, quoi. Voilà, si tu, voilà, t'es informé avant de rentrer, t'es informé du truc, quoi. Et par contre, tu vas réveiller un instinct geek qui est de vouloir explorer toutes les ramifications et conséquences intradiégésiques de cette règle métaphysique de l'univers. Tandis que si ça reste au Oui, et puis niveau ce qui de... peut même être intéressant, c'est que du coup, les joueuses vont invoquer ça pour les PNJ aussi. Aussi, aussi. Il y a Un un coup, jeu... lui, il devrait payer le prix aussi. Alors que, en fait, d'habitude, la règle, ça s'applique essentiellement pour les PJ et pas pour les PNJ. Un jeu qui a ce type d'approche-là, qui est très très loin du jeu de rôle sans règles, c'est Rêve de Dragon, où moi je le trouve assez remarquable, entre autres par le fait qu'il a intégré dans l'univers toute une série de contraintes qui sont des contraintes des joueuses. Je vais prendre deux exemples comme ça au hasard. Le premier, c'est l'idée qu'on joue un archétype de personnage qui vit diverses incarnations et qu'on va toujours jouer le même personnage développé un peu différemment. Ça répond à une observation que souvent, ben, les joueuses, elles jouent le même personnage, surtout si on joue au même jeu. Une autre, c'est le concept du gris rêve. Le gris rêve, ce sont des moments où les personnages sont en mode automatique. Ils agissent et puis quand ils ont, un peu comme quand on conduit et qu'on se rend compte qu'on est arrivé à destination, on n'est pas sûr de ce qu'on a fait pendant le trajet parce qu'on pensait à autre chose. Bien, c'est un élément d'univers dans Rêve de Dragon. Le gris rêve, ça frappe les gens et ils sont en mode automatique. Et puis tout d'un coup, le gris rêve se lève et ils sont arrivés quelque part. Surtout que dans Rêve de Dragon, on joue des voyageurs. Et voilà, et ça permet de ne pas se poser des questions sur ce qui s'est passé à l'interpartie. Ça intègre le problème de l'interpartie et de l'ellipse nécessaire pour passer d'un scénario à un autre dans l'univers de jeu. C'est une conséquence normale, comme le fait de partir en voyage à tout risque et péril. Ben, ça fait aussi partie de l'univers de jeu. Ça a été intégré et ça permet de résoudre dans la fiction des problèmes qui sont propres aux médias, en fait. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, on a une posture qui est de dire l'élégance, c'est quand le fluff et le crunch, c'est-à-dire que quand l'univers est de la mécanique. Et du C'est coup, c'est vrai certainement une forme qu'Inflorenza d'élégance. Minima, il y a une approche de se dire bah, il faudrait que 100% du fluff soit du crunch. Bon, c'est pas le cas en fait, parce que en réalité il y a aussi plein de conseils de jeu dans Inflorenza Minima que je ne saurais pas pour le moment formuler comme étant de l'univers. Peut-être que j'y arriverai. Bon, il y a des choses qui s'en rapprochent, puisque par exemple dans les conseils de jeu, il y a le fait d'essayer d'accéder au ressenti intérieur des personnages et à leurs souvenirs pour s'en servir après pour leur balancer dans la gueule. Et il y a une approche univers dans le fait que les souvenirs et les confessions en fait sont de la monnaie dans l'univers de jeu, quoi. Mais en fait, il y aurait un vrai travail de ma part si je voulais arriver complètement à du 100% fluff égal crunch, quoi. Oui, et puis de nouveau, c'est un idéal, c'est l'atteindre totalement, ça ne me semble pas possible, mais il faut voir jusqu'où on peut aller dans cette direction-là. Oui, disons que c'est un exemple. Pour le moment, j'en suis juste à me poser la question comme exercice de style, quoi. Ça me fait penser à la notion de règles prescriptives et règles descriptives qui vient des grammairiens. Une règle est prescriptive quand elle dit ce qui doit se passer. Une règle est descriptive quand elle simule ce qui doit se passer. Elle dit c'est comme ça que ça se passe en général. Dans les jeux de rôle, on va souvent considérer les règles comme étant prescriptives. Et c'est un écart de ne pas les appliquer. Mais on peut aussi les lire comme étant des règles descriptives. En général, on va plutôt attribuer ça aux règles de fluff, de décor. On dit, bon, en général, ça se passe comme ça. C'est la différence entre les piorates sont forts et les piorates ont plus de en force. Alors je vais essayer de conclure rapidement sur les expériences autour d'Inflorenza Minima, parce que je vois qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Alors j'ai tenté une variante esthétique qui s'appelle Comédia, où en fait c'est la joueuse qui est informée qu'à chaque fois qu'elle fait un truc d'important, elle paye un prix, donc c'est elle qui décrit en fait son prix à payer. Donc ça c'est vraiment basé sur le fair play entre guillemets, c'est fait pour faire de l'esthétique. Il y a Inforenza Champ en retour, où on a toujours un prix à payer. Cette fois-ci, c'est à nouveau le MJ qui raconte. Sauf qu'en fait, il raconte une fois que tu as fait l'action. La joueuse dit, bah tiens, je veux tuer cet ours qui a mangé ma famille. Le MJ fait, pas de problème, tu tues l'ours, il te mange, mais au passage, il t'a mangé un bras. Et en fait, on chante l'étape de choix, où avant, en fait, il restait toujours le choix à la joueuse. Eh bien de payer de comment d'obtenir ce qu'elle veut et payer le prix ou alors renoncer ou des fois c'était le choix entre deux solutions également compliquées quoi hein. C'était pas forcément uniquement du renoncer ou payer quoi. Et donc là cette fois-ci c'est le MJ qui prend dans à sa responsabilité le fait de raconter le prix payé. Donc là, il faut que je teste parce qu'on est quand même sur quelque chose de Oh, nettement c'est plus brutal. autocratique. Mais ça m'a été demandé par des joueuses en fait. C'est-à-dire que en débriefing, j'ai des joueuses qui m'ont dit que ça les emmerdait de devoir choisir. Elles préféraient finalement elles font les trucs, elles savent, elles sont informées que de toute façon, à chaque fois qu'elles font quelque chose d'important, il y a des conséquences, et elles attendent que la conséquence tombe, quoi. Et après, elles jouent avec ça. Si c'est à chaque étape, ça va quand même être brutal. Je pense qu'il faut bien le savoir avant de s'engager là-dedans. Faut tester. Honnêtement, tant que j'aurais pas testé, je pourrais pas te dire. Et puis je sais par avant que ça fonctionnera pas avec tout le monde. Mais ça, aucun jeu. Voilà. Et la version la plus dépouillée de ça, c'est Inferenza Bianca, qui est un jeu en fait dont les règles tiennent. Donc toujours un jeu sur Milvaux, hein, qui est vaguement un hack de Inferenza Minima et Inferenza Commedia. Et le jeu tient en un poème en fait de quelques vers, quoi. Et concrètement, en fait, quand tu lis le truc, eh bien, tu es obligé de le décompresser. C'est-à-dire qu'il faut que tu discutes entre joueuses pour comprendre ce que veulent dire les règles. Elles sont forcément interprétables, quoi. Et est-ce Et que donc, ça fait partie du jeu? ça fait partie du jeu, effectivement. Le jeu est un koan, si tu veux, quoi. C'est-à-dire que les règles sont énigmatiques. Elles sont tellement résumées. Que, en fait, les joueurs sont obligés de s'y approprier, quoi. Ils n'ont pas d'autre choix. Les règles tournent, ne peuvent pas tourner sans ça, quoi. Un peu une forme ultime d'OSR. Voilà. Et donc, je mettrai un lien vers un compte rendu. Donc, Félix a testé Inferenza Bianca, où du coup, il explique ben, tout le travail qu'ils ont fait pour essayer, effectivement, de comprendre comment faire tourner le jeu. Et du coup, ils ont fait leur propre jeu, en fait. Il y a un des joueurs qui avait dit, bah, c'est un jeu qui t'invite à créer ton jeu, en fait. Et par exemple, sans aller plus loin, il y a un vers qui dit, tout est en nuances de gris. Non, tout est en noir et blanc. Je crois que j'ai mis tout est en noir et blanc. Et en fait, tu sais comment ils ont interprété ça? Eh ben, ils ont éteint la lumière, ils ont joué dans le noir. Ah là, c'était pas écrit par la règle. Mais Et ça en les a bouclant, inspirés. voilà, ça les a inspirés. C'est des règles qui sont plus inspirantes. Elles sont là pour t'inspirer, elles sont pas là pour être suivies à la lettre parce que c'est impossible. Et pour finir, en fait, ben, au début, tu vois, mes chapitres d'univers de Milvaux, ils étaient intégrés dans mon livre, ils étaient dans Milvaux Sombre, dans Inferenza, et là, je les ai ressortis. Il y a un bouquin qui s'appelle Civilisation, il y a un petit PDF que j'ai sorti qui s'appelle Almanach avec des inspi, l'Atlas aussi que j'ai sorti, qui sont juste de l'univers. Il n'y a aucune règle. Il n'y a pas de conseil de jeu non plus. C'est vraiment de l'univers. Et donc, quelque part, ça fait de Milvaux une sorte de jeu à système agnostique. C'est-à-dire que du coup, le livre de base de Milvaux, on pourrait dire que c'est ses livres d'univers. Et c'est aux joueuses de trouver à quel système le faire tourner. Donc après, elles peuvent le faire tourner avec les systèmes que je propose, comme Inferenza, avec les systèmes que les autres proposent, comme les Remembrance de Steve Jakubowicz, ou avec leur propre système. Ils peuvent jouer, je sais qu'il y en a qui jouent à Fate dans l'univers de Milvaux, par exemple. Et en retour, Inflorenza, une fois que l'univers de Milvaux en est sorti, enfin, il reste les thèmes, je suppose, ça devient un jeu à univers agnostique. Oui, c'est ça. Ça devient presque un jeu générique avec plutôt une ambiance. Ça émule plutôt une ambiance qu'un univers. Alors là, on a fait ton parcours de dépouillement des jeux pour aller vers du jeu sans règles. Qui n'est pas le seul parcours que tu empruntes. Moi, je voulais en parler en termes un peu plus génériques, vu que je ne suis pas auteur. Bon, on a déjà dit, ben, la règle, elle est toujours nécessaire, elle est toujours là, elle se cache, mais il y a toujours des règles à un moment donné, même si elles peuvent être complètement tacites et inconscientes, simplement les règles du savoir vivre ensemble. Et puis il y a tous ces mouvements où on va diminuer la quantité, le volume, la complexité ou la rigidité des règles. Et j'avais envie de faire un petit inventaire de choses qui vont dans ce sens-là. Alors, il y a bien sûr le jeu de rôle sans dés, Ambre en est l'archétype, où on se dépouille d'un des accessoires fétiches des rôlistes qui sont les dés et en même temps du hasard, parce que plus qu'un jeu de rôle sans dés, c'est un jeu de rôle sans hasard, où ce sont simplement les rapports de force qui sont considérés. Et à en partir comparer de des là, valeurs numériques, quoi, en fait. Voilà. Alors, on est loin du jeu de rôle sans règles. Il y a des règles, et même des règles très fortes. La création de personnages par les enchères, par exemple, c'est vraiment une règle extraordinaire. Mais on s'est dépouillé d'un élément quand même important en jeu. On va simplement comparer les valeurs numériques. C'est beaucoup plus simple, donc on s'éloigne de la règle. Il y a tout ce qui est jeu boîte à outils, où on va construire le kit du jeu Alors, avant d'y si jouer. tu me pardonnes, en fait, tu dis qu'on s'éloigne de la règle. Je vais faire un parallèle avec le monde du jeu de plateau. Entre guillemets, dans l'adolescence du jeu de plateau, les années 90, on va dire, les jeux sociétiques, j'allais quand même, il y avait des dés, quoi. Enfin, il y avait des dés, il y avait des cartes, il y avait beaucoup de hasard. Et en fait, on a eu les jeux à l'allemande, qui sont des jeux où il y a très peu de hasard, et en fait, c'est devenu la valeur sûre, c'est-à-dire que du coup, il n'y avait plus l'arbitraire du hasard, et donc c'était vraiment la capacité tactique de la joueuse qui comptait dans la victoire, quoi. Et donc, il y a eu une deuxième période où il fallait surtout pas, enfin, si tu prenais chez les hardcore gamers, enfin, une certaine frange, en fait, il fallait surtout pas de hasard, quoi. Et puis bon, il y a une troisième génération, ils sont un peu revenus des jeux strictement sans hasard, notamment parce que ça pose des, notamment bah, finalement des problèmes que tu peux plus jouer avec tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une différence d'expérience entre jeux, ça va vraiment se sentir au niveau des chances de victoire. Et du coup, les plus forts vont s'ennuyer et puis les plus faibles aussi, parce que là, entre guillemets, l'issue de la partie est quasiment connue d'avance, simplement en comparant les niveaux d'expérience de chaque joueuse, quoi. Et donc, ils en sont revenus, ils ont ramené du hasard. Bon, ça, puis ça permet aussi de rendre des configurations de jeu plus. Ça renouvelle le jeu aussi davantage. Hein, mais il y a notamment pour eux dans une idée finalement, le hasard réégalise un peu les chances et ramène un petit peu du challenge là où on en avait perdu à force d'enlever le hasard. Et donc, tu vois, dans le jeu de plateau, il y a un moment où la vision de la règle, c'était justement l'absence de hasard, quoi. Ben, le dé apporte de l'imprévu. On peut le trouver ailleurs parce que les joueuses apportent de l'imprévu. Maintenant, quand tu dis un jeu sans dé où il n'y a pas de hasard, on ne peut pas y jouer avec tout le monde, je ne suis pas entièrement d'accord dans le sens où il n'y a pas d'incertitude, mais ce n'est pas l'absence de hasard qui va nécessairement impliquer que ce soit le sens tactique entier qui l'emporte. Ça, c'est Oui, une parce que là on chose. parle de jeu de rôle. Je faisais un parallèle avec le jeu de plateau. Le Oui. parallèle, il a forcément ses faiblesses, puisque il y a quand même des incertitudes en jeu de rôle. T'en auras beaucoup d'autres. Il n'y a pas que le hasard des dés, quoi. Tout à fait. Et alors, Et puis il n'y a pas non plus en plus que la volonté tactique en jeu de de plateau, gagner, quoi. en jeu de plateau, oui, tout à fait. Il y a déjà rien en jeu de plateau. On peut le jouer socialement aussi, hein, juste pour faire fonctionner le jeu et passer du bon temps ensemble. En jeu de plateau, le plus fort ne peut pas s'engager complètement dans le jeu. C'est pas pour ça qu'il va s'embêter. Il peut prendre un rôle d'initiateur ou tenter des choses plus difficiles. Remarque brillant dans le Val, je ne sais plus comment il appelle ça, mais quand il initie un joueur, il a son propre défi. Il a une chose à faire qui est très difficile à faire et qui fait quand il joue avec un joueur débutant. S'il y arrive, il peut laisser gagner l'autre et avoir gagné aussi parce qu'il a réussi un défi qui est je dirais, un objectif secondaire du jeu. Donc il y a moyen de prévoir Ouais, des un peu jeux comme tu pour vas que. jouer aux aventuriers du rail et tu te dis, bon, bah, je m'en fous de gagner ou de perdre, ce que je veux, c'est faire la ligne la plus longue, quoi. Par exemple. Donc, on peut s'inventer d'autres objectifs. Est-ce qu'on joue encore au jeu? Ça, c'est une question qui ne m'intéresse pas beaucoup, j'avoue. Et alors, le joueur plus faible, lui, il peut jouer totalement au jeu. Et ça, c'est dû Ouais, à donc en jeu de l'asymétrie rôle, de la ça pourrait. position. On essaie de revenir un peu au jeu de rôle. Oui, mais Du c'est coup, là que il j'arrivais. y a la notion que tu arrives avec tes propres objectifs, ça peut être je m'en fous si mon personnage réussit ou échoue, moi tout ce que je veux c'est faire du beau roleplay, quoi, par exemple. Tout à fait. Et en jeu de rôle, pour faire la liaison avec ce que je disais en jeu de plateau, c'est que classiquement, quand on a un meneur de jeu, on a cette asymétrie de puissance, de force, d'autorité entre les joueuses et le meneur de jeu. Ils ne jouent pas au même jeu, ils n'ont pas les mêmes outils. C'est asymétrique. Le meneur de jeu ne peut pas s'engager totalement dans la confrontation contre les joueuses. C'est juste pas possible. Il doit s'engager dans d'autres choses. Alors, j'étais parti sur les jeux boîte à outils où on construit le jeu avant de jouer, où je prends telle règle, telle règle, telle règle, ou coffre à jouer, où on le fait en cours de route. Tu as touché à l'idée du jeu boîte noire, c'est-à-dire les joueuses ne connaissent pas le jeu ou ne connaissent pas tout du jeu et le meneur sert d'interface, les règles sont cachées. Tu proposais de mener certains Influenza comme ça. Un jeu dont c'est le principe, dont c'est la règle, c'est Hurlement. Les joueuses ne connaissent presque rien de l'univers, ne connaissent presque rien de leur propre personnage et ne connaissent absolument rien des règles. Est-ce que les règles, j'ai jamais joué la campagne jusqu'au bout, hein. Est-ce que tu finis par en apprendre plus sur les règles au fur et à mesure du jeu? De toute façon, tu finis par découvrir des choses en observant Sur ce qui se passe l'univers quand tu déjà, jettes c'est le dé sûr. et sur l'univers. Je ne pense que je ne peux pas répondre à la question sans spoiler totalement le jeu. Ouais, d'accord, c'est pas grave. Bon, en tout cas, tu peux essayer de deviner, effectivement. Tout à Il y a un fait. moment, tu devines bien que tu as une feuille de personnage et tu commences un peu à voir quels sont les points forts et les points faibles de ton personnage. Donc, tu te dis, ouais, je dois avoir une bonne compétence là-dedans et une très mauvaise compétence là-dedans. Tu vois, ça, je pense, dès la première partie, je sentais qu'on pouvait jouer à la devinette à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et découvrir les règles fait partie du jeu. Je suis tombé tout à fait par hasard sur un témoignage d'un des premiers joueurs qui jouait avec Gygax et Arneson, qui s'appelle Michael Mornard. Il a fait une interview assez courte à la BBC où il dit qu'il jouait à l'époque sans connaître les règles. Seul le meneur de jeu connaissait les règles et que c'était bien plus amusant ainsi que la publication des règles avait gâché une partie du plaisir de jeu. Ça, c'est en 1971, 1972. Alors, je crois avoir une explication à ça, bon, sans avoir écouté l'interview. Mais c'est. Tout à l'heure, je parlais de solidité du monde fictionnel. Quelque part, quand on te montre les règles, c'est un peu comme si on te montrait les coulisses. Tout à fait. Et du coup, le monde est moins crédible. Maintenant que tu connais les statistiques des orques. Oui, que tu sais comment ça fonctionne et tout. Et ça veut aussi dire que s'il faut résoudre un problème, tu peux le résoudre de façon extra-diégétique en optimisant ton personnage, ainsi de suite. Donc je peux comprendre effectivement qu'il y a un effet de bah, on te montre les coulisses et donc du coup tu perds en crédulité, quoi, quand tu perds ta crédulité consentie, quoi. Et en même temps, je pense qu'il est important pour cette notion de solidité que les joueuses sachent que ces règles existent. On n'a pas le même sentiment de C'est solidité possible, des ouais, règles voilà, quand on sait ouais. qu'elles existent mais qu'on ne les connaît pas ou quand on sait qu'elles sont improvisées. Même Donc finalement, chose. quand on montre les règles, on perd la solidité, mais quand on enlève les règles, on perd aussi, quoi. Oui, c'est deux aspects différents de la solidité. De la même manière qu'un scénario d'enquête, si on sait que la personne qui l'anime l'improvise au fur et à mesure, on n'a pas du tout le même plaisir de jeu. On perd Je ne de dis pas que c'est solidité. moins bon, mais c'est différent comme On joue sur sensation. du sable, mais tout à fait. Quand on joue en miroir, par exemple, dès qu'on s'en rend compte que le meneur de jeu récupère toutes les idées des joueuses pour les placer, et s'il se passait ça, ben voilà, il se passe ça. On a bien une sensation un peu de déréalité, d'onirisme, de vertige. Je pense qu'à ce stade, on peut peut-être envoyer au podcast Adversité. Bon, je sais pas s'il sera sorti d'ici là, un podcast Outsider, mais en tout cas, il est au moins axé en coulisses, donc on pourra mettre un lien. Il sera écoutable. Parce Tout qu'on à parle pas fait. mal de ça, quoi. Et alors, pour revenir à Donjon et aux premières expériences où les règles devaient être cachées, c'était la conviction de Gary Gygax, en tout cas, et on en voit une trace dans la préface d'ADD, la première édition d'ADD, où la préface dit qu'il faut sanctionner les joueuses qui disent les règles. Il faut qu'il y ait des crasses qui arrivent à leur personnage pour payer le prix de connaître les règles. C'est écrit noir En sur blanc. connaître les règles, c'est tricher, quoi. Oui, tout à fait. Mais tout Et c'est comme se dans l'appel de priver. Cthulhu, on avait quand même souvent dans les conseils le fait qu'il fallait pas montrer les stats blocs des monstres. Tout à fait. Et là, on tombe un peu sur des idées de prestidigitation. Connaître le tour, ben, c'est se priver du Et surtout que plaisir. le monstre était moins crédible du moment que tu connaissais ses stats, quoi. Et puis aussi, des fois, tu pouvais voir les failles. Ah oui, mais attends, en fait. Bah, surtout que des fois, sur les stat blocks des monstres, c'est marqué il est allergique au sel. Pas de Mais à chance. part ça, il est invincible. Je crois que cette notion de découverte est assez importante. Oui, puis surtout, il faut que tu découvres. Les points forts et faibles du monde de façon diégétique, en fait. Tout à fait. Et parfois de manière tout à fait artificielle, parce que si tu réfléchis, le personnage serait censé savoir ce que là il ne sait pas parce que ça fait partie de son monde. Mais à ce moment-là, personne, on n'a jamais rien joué dans le monde qui montre que ça qu'on va rencontrer maintenant Ou tu peux existait. t'en Donc, sortir avec un jet de savoir, quoi. aussi. Ça, c'est le bon compromis, je trouve. On va peut-être enchaîner parce qu'en fait, on est très très bavard et on n'avance pas beaucoup. Alors, Sur on les a jeux. touché plusieurs fois au jeu incomplet, hein. Milvaux, Universel. Un jeu incomplet, bah, tous les jeux sont Va peut-être incomplets, ça c'est commencer mon credo. par citer quand même Olivier Caïra. Je t'en prie. Donc, Olivier Caïra, dans Les Forges de la Fiction, il définit le jeu de rôle comme étant un jeu incomplet. Et donc fait un parallèle avec le jeu de plateau, où en fait on avait dit hein, dans le jeu de plateau, toutes les situations sont régulées. Il y a une règle pour chaque situation. Tandis que dans le jeu de rôle incomplet, comme il y a de l'émergence, comme on est en fait sur de l'histoire, sur un matériau qui est narratif, eh bien il y a forcément des choses que les règles sont insuffisantes à tout réguler, quoi. Bon, le meilleur exemple, quelque part, c'est Donjons et Dragons Boîte Rouge, où il me semble qu'il y a, pour ainsi dire, que le combat et puis peut-être des accidents, les pièges, des choses comme ça qui sont régulés. Tout le reste, bah, La c'est progression des gestion personnages. narrative, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc, dans les jeux incomplets, classiquement, on a tout ce qui est universel, qui soit prévu pour le jeu de rôle, comme Milvaux, ou quasi-jeu de rôle, comme Jadis, ou pas du tout jeu de La rôle, cité comme. sans nom, aussi d'Isler d'Argol. Ou alors, ce qui n'est pas du tout du jeu de rôle, les films Star Wars, les livres Harry Potter ou Twilight. À partir du moment où on fait semblant d'y jouer des personnages en causant, ben ça devient un jeu de rôle. Et c'est même des jeux de rôle qui ont eu énormément de succès parce qu'il y a énormément de gens qui jouent à ces jeux de rôle-là. Et tout comme tu peux partir d'un article qui soit un fait divers ou une légende, et puis t'en servir comme scénario, comme jeu, quoi. Tout à fait. Et comme ça va guider ce que tu fais, ben pour moi, ça fait partie du système. Il y a aussi des choses, des décors ou des situations qui sont prévues pour plusieurs systèmes. On va voir les stats nécessaires, les Ouais, règles nécessaires. multisystème, ouais, effectivement. Typiquement, Glorantha, hein, le monde de RuneQuest, mais pas que. Milvaux, ben oui, forcément, dont on va explorer diverses facettes. Shadowrun aussi, où il y a plusieurs systèmes, différentes éditions, mais Shadowrun Anarchy, qui est un système tout à fait différent. Tu voulais citer, je pense, le podcast des voix d'Altaride. Oui, voilà, on parle pas mal de ça. On parle aussi des jeux modulaires, hein, d'un truc comme Fate. Bon, tu vas me dire Fate, il n'y a pas d'univers. Oui et non, on va dire, c'est quand même ambiance héroïque. Rien que ça pourrait définir un univers, quoi. Et bon, bah Fate, tu dois, c'est comment, t'as plein de briques que tu vas assembler comme tu veux, quoi. Les règles en kit, ah oui, bah, c'est ce que t'appelles les règles en kit, quoi. Oui, tout à fait. Recueil de conseils de jeu. Alors, est-ce que par exemple, tu veux dire que mener des parties de jeu de rôle, c'est un jeu? Ah, est-ce que c'est un jeu? J'aurais tendance à dire que non. Je me marche sur les pieds, mais j'ai tendance à dire que non. Parce En fait, je serais que. curieux, en fait, est-ce qu'on pourrait, en fait, mettons que je connais pas du tout le jeu de rôle et je découvre le jeu de rôle par mener des parties de jeu de rôle et je crois que c'est un jeu de rôle, est-ce que j'arriverai à faire une partie, quoi? Ce serait une bonne question. Ce serait possible, mais ce serait compliqué. Ouais. Surtout que ce sont des articles quand même Ce pas serait tout à fait compliqué, pour les pourtant, débutants. c'est censé, c'est le ce genre d'articles qui sont censés lister un tas de choses qui font défaut à beaucoup de jeux, quoi. Tout à fait. Et donc là, mais en fait, quand on parle de jeu ou de non-jeu incomplet comme ça, c'est des morceaux de jeu de rôle et il faut de toute façon construire le reste. Alors quand on a un système de jeu et qu'on doit inventer l'univers, on va pas penser jeu de rôle sans règles, mais quand c'est d'autres morceaux qui manquent, ben si. Alors, Alors, on avait le matériel seul. voilà. Alors, les deux jeux de rôle qui ont le plus de succès au monde, ce sont les Lego et les Playmobil. Il y en a des millions de joueuses. Et ce qui est amusant, Signalis, c'est que c'est souvent des jeux de rôle où tu joues plusieurs personnages. Où tu joues plusieurs personnages, où tu joues ton adversité, donc qui sont en Voilà, donc d'un défiance point de vue de. théorique, ils sont complètement déviants. Et pourtant, quel succès! Voilà. Voilà. Et donc la complétude, ben, c'est un curseur qui varie des bibliothèques remplies pour avoir le jeu complet à presque rien. Mais il y a toujours un petit bout. Ou alors on invente tout et ça peut se faire aussi. Ouais, c'est une autre définition de la complétude en fait, ouais. Mais en fait, on trouvera aucun jeu qui soit 100% complet, avec des règles pour traiter toutes les situations, ou alors j'appelle ça un jeu vidéo ou un jeu de plateau, quoi. Oui, parce qu'il y a cette notion d'émergence du jeu de rôle qui, pour moi, est assez fondamentale. Maintenant, pour avoir un jeu avec des règles très abstraites qui pourraient couvrir la majorité des situations. Alors pour s'en rapprocher, on avait le système zéro. Oui, Le et. système zéro, tu veux nous le définir? Bah, les systèmes zéro, c'est une idée de Jérôme Larrey, Brand, qui dit que quand on joue un système zéro, c'est quand on joue sans jeu, en fait, sans règles de jeu, en faisant ce qui nous vient naturellement. Après, lui, il en fait une description dans l'article, il dit mon système zéro, c'est ça. Je veux pas le citer de tête, mais grosso modo, c'est il y a un MJ et le MJ a toujours raison, quoi. Voilà. Mais ça, c'est un système zéro, mais ce n'est pas celui de tout le monde. Et je pense que notre C'est le système plus zéro, c'est répandu un quand peu une même, quoi. chimère. Parce que dès qu'on va se poser une question, oui, mais là, comment est-ce que je vais régler ça dans le jeu? Ben, on va se poser à soi une petite règle, ça ne va plus être tout à fait naturel. Dès qu'on On va réfléchit, on n'est commencer plus à naturel. négocier, poser des jurisprudences. Oui. Et puis, dès qu'on va avoir deux voies pour faire quelque chose, on va en choisir une et c'est. On aurait pu choisir l'autre, c'est plus Et vraiment donc du ça, c'est système valable zéro. aussi finalement au jeu, on fait comme si des enfants, quoi. En Oui. fait, ce que tu veux nous expliquer, c'est que les enfants, quand ils jouent, on fait comme si, c'est pas vraiment du jeu de rôle sans règles, parce il va y avoir des négociations entre eux, voire même des fois aussi, ce qui arrive, c'est qu'ils font appel à la maîtresse, en fait, pour trancher des conflits. Oui, et puis ils ont des apprentissages qui sont des apprentissages propres aux parties qu'ils ont jouées précédemment. Et les Alors, premières l'appel à la parties. maîtresse, hein, c'est le témoignage, hein, d'une prof de maternelle, hein, donc je ne sors pas de mon chapeau. Oui, ça ne m'étonne pas du tout, ou aux parents. mais les enfants, je veux dire, le jeu de rôle est un jeu social, donc il se base sur les apprentissages sociaux, et des apprentissages différents, mais il y en a des jeux différents, même si on ne s'en rend pas compte. J'avais un exemple d'un Américain qui est allé. À une des conventions de jeux de rôle grandeur nature nordique et qui parlait de la différence dans la façon dont les Américains et les Nordiques mènent une conversation. C'est son interprétation à lui, où il dit nous, aux Amériques, l'important c'est de dominer la conversation, d'avoir pu placer son petit drapeau dessus. Et donc, à la première Ah, occasion, je me on va perdrais bien là-bas. s'interrompre, détourner la conversation pour parler du truc. Et essayer de placer quelque chose de remarquable. Et tandis que j'étais complètement sidéré, j'ai eu l'impression d'être très grossier quand je me suis retrouvé dans ces pays du nord de l'Europe, parce que là, les gens s'écoutent parler jusqu'au bout, sans s'interrompre, et puis ils laissent encore un silence à la fin pour être sûr que la personne a bien terminé, pour bien absorber tout ce qu'elle a dit. Donc en fait, si tu réduis le jeu de rôle sans règles, ou presque sans règles, au principe de l'umplay, qui est grosso modo, on joue une conversation sur une aventure imaginaire, bah le fait est que on n'a pas tous la même conversation en fait. Non, du tout. Et quand tu écris un jeu, bah, selon ton public, tu ne dois pas l'écrire de la même manière pour avoir le même résultat. Ou si tu veux que ça marche avec tous les publics, ben ça devient des tomes d'une épaisseur dingue. Je veux dire, prosopopée écrit pour le public nordique décrit, ben il n'y a pas besoin de dire qu'il faut attendre que l'autre ait fini pour. C'est naturel. Et si tu l'écris pour les Américains ou apparemment pour les francophones, ben il y a besoin de le préciser. Et l'autre exemple qui est quand même vraiment important à noter, c'est le jeu de rôle textuel, en fait, ou donc les jeux de rôle par forum ou sur Facebook ou par chat, où il y a souvent pas de règles, donc il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de chiffres, il y a un contexte qui est livré, quoi. On joue dans tel univers, on joue dans telle fiction, on joue dans Harry Potter, machin. Éventuellement, des fois, des listes de personnages qu'on appelle les postes vacants. Genre, si on va jouer dans Harry Potter, bah, t'as rejoué tel personnage, mais Harry Potter, il est interdit, on peut pas le jouer, tu vois. Ou alors, il est déjà pris par une autre joueuse. Mais les règles vont souvent naître des problèmes qui vont se poser aussi. Donc au départ, il n'y a pas de règles, et puis au fur et à mesure que le groupe grandit et que les expériences se multiplient, ben, il va en apparaître de Bah, celles surtout qui vont être qu'il y formalisées. a... Ouais, ils sont en train de le théoriser. Alors, je sais plus. Une fois, j'avais vu sur Silent Drift ou sur les ateliers imaginaires ou sur Casus, j'ai pas retrouvé une personne qui se présentait comme une théoricienne du jeu textuel, en fait, qu'elle appelait le jeu asynchrone, quoi. Et donc, il y avait des personnes qui tentaient de réfléchir. La chaîne YouTube de Infinite RPG, qui est un réseau social jeu de rôle, et surtout jeu de rôle textuel, ils se font des réunions. Ou tu comment il cogite sur c'est quoi bien joué quoi. Oui, et on rencontre des, je veux dire, c'est une communauté de rôlistes qui souvent s'ignorent, Bah, ils s'ignorent pas, hein, ils s'appellent rôlistes entre eux. Donc ils bah c'est s'ignorent qu'ils ont pas eu du des coup. contacts avec nous alors. Ouais, tout à fait. Oui, sur Wafku, ils s'appellent rôlistes aussi parce qu'ils ont des serveurs de jeux vidéo roleplay. Les règles, je veux dire, la culture des règles est parfois très, très différente du jeu de rôle qui est notre quotidien. Bah, disons que dans le jeu rôle textuel, et puis dans toutes les formes qu'on a dit, si on veut, les traditionnelles règles opposables, puis même interprétables qu'on va trouver dans le jeu de rôle papier, sont remplacées par des règles de savoir-vivre, en fait, qui sont beaucoup plus tacites, du coup. Oui, souvent, jusqu'à ce qu'elles posent problème, et puis là, on les écrit dans la charte du forum, par Voilà, exemple, ou puis y exactement. avoir des règles de mise en page, par exemple. Ouais, ou sur l'orthographe aussi, des choses qui ne nous concernent pas trop, nous les rôlistes, mais. Les rôlistes, nous les vrais rôlistes. Oui, non, c'est pas, il n'y a pas une pratique qui est plus authentique que l'autre, ça c'est très très clair. C'est juste qu'on parle d'un côté de la barrière et qu'on regarde ce Voilà, qui se donc passe de là, je pense l'autre, mais. qu'on a bien mis en exergue l'importance du social et qu'en fait, quelque part, on avait. Enfin, on va y revenir, mais que la dynamique sociale fait quand même toujours office de règles, quoi. Et tu posais la question, mais au fond, pourquoi des règles? Oui, Pourquoi on en fait, décide des règles? j'étais silencieux parce que je pense que j'étais en train d'y trouver la réponse. Pourquoi ce statut crée des règles, cette attitude qu'ont beaucoup de joueuses de dire on ne touche pas aux règles, c'est la chose qui doit rester fixe. Et la dernière fois en date, c'était en écoutant les voix d'Altaride où Julien Pouard disait non, les règles, ça doit être fixe et c'est important. Et C'est je me dans dis, quel c'est. podcast? Hein. Ah, ça, je ne saurais pas te dire. Comme je les écoute tous, ben, ça a Bon, parfois un peu tendance à se ouais, mélanger. de toute façon, ouais, très bien. Et Mais donc, je me demande si c'est pas Anarchie en JDRI. d'accord. Je Oui, répète. ça doit sûrement être sur celui-là, Oui, des avec chances. Génie. Et je me demande si justement ces règles sacrées, c'est pas justement parce qu'à l'origine, elles servent à. Au bon savoir-vivre, à mettre les gens ensemble pour que ça se passe bien. Au bon savoir-vivre et peut-être aussi à À une l'entendre. compréhension assez convergente de ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire que ça pose un référentiel commun. À mon avis, si tu as une mauvaise expérience parce qu'il n'y avait pas de règles, ben, tu as plus envie d'en avoir. Ouais, ça mécanise un peu la confiance quand on parlait de confiance. Quand la confiance n'est pas acquise, exemple, tu es en convention, tu connais les gens. Bon, bah, les règles, ça te protège un peu, quoi. Oui, et puis ça te dit ce qui est supportable et ce qui ne l'est pas. Tu parlais de l'exemple de l'orthographe sur les jeux textuels. Si on te dit pas de langage SMS, tu sais que s'il y a quelqu'un qui vient écrire en langage SMS, tu as le droit de protester et d'être offusqué. T'as le fait que du coup, s'il y a des règles, on va être surpris, c'est-à-dire que ça va nous sortir de nos comportements habituels. C'est quelque chose qu'on lit souvent. Oui, je pense que ça dépend. Un autre joueur, une autre joueuse, en fait, des règles, c'est comme si tu invitais l'autrice à ta table et qu'elle te proposait ces règles à elle. C'est un synchrone, c'est en différé, c'est via un média qui va fixer les choses, mais c'est un peu ça. Voilà, Donc, du coup, si t'as une tendance lourde à toujours jouer la même chose, des fois, il faudra voilà. vraiment que la règle rame à sens inverse complètement de toi pour te pousser à jouer autre chose. Mais si tu aimes bien te laisser tenter, la règle, tu peux, elle va te prendre par la main, puis elle t'amène Tout dans à des fait. territoires nouveaux, quoi. Mais je sais que Tu parlais si je de joue avec liberté. toi, bah, tu vas faire la même chose et en mieux parce que ce sera toi en personne et pas une règle. Et si je joue avec Eugénie, je vais découvrir d'autres choses. Et que si je joue avec Lobo, je vais découvrir encore d'autres choses. Peut-être qu'ils ne me plairont pas ou qu'ils ne me plairont pas tout de suite ou que je vais kiffer à mort, j'en sais rien. Il faut essayer. Mais les règles peuvent faire ça, nous sortir de nos routines parce que quand on doit tout négocier à table, on a tendance à rester un peu sur ses bases, si on ne fait pas d'efforts. Et la règle, elle pousse un petit peu au cul pour aller plus loin quand on est fatigué. Alors moi j'avais une conclusion à ça, je te la propose, c'est que finalement, on a tenté un premier contour du jeu sans règles, est-ce qu'un jeu sans règles, ce ne sera pas une forme de jeu qui totalise toutes les caractéristiques qu'on vient d'énumérer, quoi? C'est-à-dire qu'il serait système agnostique, il serait sans hasard, il serait proche du système zéro en fait. Un jeu totalement sans règles peut être ça. Pour moi aussi, ça peut être un jeu dont les règles fluctuent. C'est-à-dire, c'est la stabilité des règles Qui fait la règle, ouais, qui d'accord. fait la règle, le fait qu'elles sont renégociées en fonction des envies, des intentions, des défis qu'on veut se poser. Mais potentiellement, oui, un jeu sans règles, c'est tout ça, dans ses qualités, dans ses défauts, oui. Alors moi j'ai deux projets actuellement de deux jeux sans règles, mais ça c'est vraiment à tester, hein. Donc je garde quand même l'idée d'un univers, parce que ce serait vraiment à tester dans l'univers de Milvaux. Tout en me donnant une contrainte qui est de ne pas utiliser mes bases écrites. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une aide de jeu qui s'appelle Almana, c'est une table aléatoire de trucs de typés d'univers de niveau. Et la contrainte, c'est de m'en passer. Alors que je sais qu'elle est très fertile, mais si je dois m'en passer et donc de jouer à l'instinct, en fait. Donc de remobiliser ce que je connais de l'univers sans aller me reposer sur de l'écrit. Et de là, en termes de résolution, il y aurait deux façons de faire, donc j'essaierai les deux. La première, qui a quand même de la règle, c'est jouer en toujours dire oui. C'est-à-dire que quand une joueuse dit quelque chose, eh bien, on renégocie pas. C'est forcément arrivé, même si c'est hyper grave, même si elle dit bah, « je tue ton perso », on cherche pas, on dit oui, et après, derrière, on joue l'impact. Donc là, bon, il y a quand même de la règle, hein, mais c'est quand même une règle très minimale, quoi. Et l'autre projet, c'est vraiment être plus, enfin, encore avec moins de règles, c'est-à-dire on joue sans se mettre d'accord au préalable, juste on précise que c'est du jeu sans règles, et puis on laisse les choses émerger. Alors j'ai des intentions derrière, si tu veux, mais je pense que je vais plutôt les... C'est en poursuivant sur le jeu sans règles que je vais être amené à les exprimer, quoi. Moi, j'ai cette idée que le jeu de rôle, par sa richesse, va forcément t'envoyer un jour ou l'autre dans une zone où il n'y a pas de règles prévues. Et que donc tout jeu de rôle, à un moment donné, devient un jeu sans règles ou avec trop peu de règles par rapport à ce qui se passe autour de la table. Ouais, du coup, ce qu'on appelle le jeu sans règles, si on essayait de, comme j'avais noté, là, dans cette dernière partie, on essaie de penser jeu sans règles en postulant qu'il existe, Tout à quitte à fait, prouver tout à par fait. l'absurde qu'il n'existe pas. Donc là, en fait, ce qu'on essaie de creuser, c'est une espèce d'absolu, en fait. Qu'est-ce que ce serait quoi le jeu absolument sans règles? Mais le jeu absolument sans règles, c'est un peu la définition de la folie, parce qu'on va faire deux fois la même chose et obtenir des résultats différents. Ouais. Alors ça peut être intéressant, mais je crois qu'il faut sur une certaine longueur, je pense que nous, joueuses, on a besoin d'y trouver une certaine cohérence, dont la dose dépend de personne à personne, mais on a besoin d'une certaine stabilité, d'une certaine cohérence pour pouvoir en tirer plaisir. Trop de cohérence, ça devient rigide, mais trop peu, ça devient sans saveur, ça devient de la Là, bouillie. quelque part dans mon projet, mais t'avais bien écrit que finalement, si t'as un projet, est-ce que t'as peut-être des règles en fait? Si t'as des intentions, si t'as un projet, est-ce que t'es pas déjà en train de poser des règles? Mais à partir du moment où tu as des intentions et où tu as un univers ou quelque chose, comme on a dit que tout ça, c'était le Là, ouais. système, donc Là, c'était les du coup, règles. c'est l'univers effectivement qui fait ça, quoi. Tout à fait. Donc c'est pour ça que moi je me base sur l'idée de la fluctuation, du fait que ben, c'est ce qu'on fait pour le moment, mais peut-être que demain ce sera différent. Moi, souvent, je vois plutôt, enfin, je vois aussi une idée de matérialisation, enfin, justement de dématérialiser. Oui, de C'est-à-dire retirer la que formalisation. voilà, c'est absolu. Au départ, bon, après, on peut y mettre beaucoup de nuances, hein, bien sûr, mais au départ, on va dire le jeu de rôle avec des boîtes rouges notamment, c'est un plateau, des figurines et un temps qui est décomposé en rounds. Et ça devient vraiment un jeu comme le jeu de plateau HeroQuest ou même Descent. On est vraiment à fond dans la matérialité, quoi. C'est-à-dire que le temps, parce que dans Donjons et Dragons, tout n'est pas décomposé en rounds. Il y a quand même des ellipses, il y a des temps longs qui eux, sont gérés de façon floue, quoi. Tandis que dans HeroQuest, là, tu joues tout le temps en tour, quoi. Et tout est matérialisé. C'est-à-dire que le plateau de jeu avec les figurines, c'est la totalité de la réalité. Et en fait, j'avais tendance à penser que le jeu sans règles émergeait à partir du moment où on pouvait s'affranchir de ça, quoi. On s'affranchissait du plateau, des figurines et de la décomposition complète du temps, quoi, en round. Et qu'on allait du coup dans l'imaginaire, dans ce que j'appelle le théâtre de l'esprit. Même si, quand tu parles de Lego, quelque part, on a une matérialisation, mais en Tout à fait. fait. Ou quand tu joues, tu décides de jouer, je sais pas, la règle c'est le temps de jeu, c'est le temps en jeu. On a une matérialisation du temps très précise, et pourtant c'est quand même très proche du jeu sans règle. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'à partir du moment où tu vas utiliser les choses autrement que ce pour quoi elles sont prévues, bah, tu vas vers du jeu sans règles. Ouais, quelque part, le jeu sans règles, c'est presque un jeu dont les règles n'existent pas n'existaient pas avant, quoi. Oui, je Où reviens à mon idée. C'est on chaque fois sort que tu en sors fait du la composition cadre, normative de la règle, quoi. à chaque Ouais, fois c'est que tu sort du sors du cadre. cadre ou que tu décides de le redéfinir. Comme par exemple, si tu décides d'avoir une courbe d'intensité dramatique pour jouer quelque chose de très sanglant, tu peux dire, bah, la partie d'aujourd'hui, ou jusqu'à ce que je le dise, les points de dégâts que font les combats, bah, ils sont récupérés à la fin du combat. Même si vous êtes mort, bah, vous avez été humilié dans le combat, mais vous n'êtes pas mort, vous récupérez vos points de vie à la fin du combat. Et puis, en cours de partie, hein, tout d'un coup, bah, vous faites le double dégâts et les morts sont définitifs. Bah, ça va changer la dynamique de la partie totalement, mais le fait de passer de l'un à l'autre, on va avoir une incitation au combat dans la première partie. Si on garde cette dynamique d'incitation au combat, on va avoir quelque chose de très sanglant dans la deuxième partie. Et on a changé le cadre, on a changé la règle, mais l'intention était là dès le départ. Alors justement, ma question c'était à supposer qu'on puisse se passer de mécanique. Est-ce qu'on peut se passer de l'univers? Alors on a donc précisé que l'univers était des règles. Est-ce qu'on peut se passer d'intention, quoi, justement, jouer sans intention? Voilà, est-ce que c'est possible? J'ai pas la réponse, hein. C'est vraiment pur questionnement de ma part. Bon, Je vais improviser des réponses de mon expérience. Jouer sans intention, ça peut fonctionner si le groupe est suffisamment en phase. C'est-à-dire qu'on va avoir une bonne osmose si j'utilise ton D'ailleurs, vocabulaire. c'est pour ainsi dire ce que propose Apocalypseur, de jouer pour voir ce qui va se passer. Apocalypseur ne te dit pas où il a l'intention de t'amener. Bon, après, si tu es suffisamment expérimenté dans le jeu ou suffisamment expert dans la lecture des mécaniques, tu sais où je veux t'amener un petit peu, quoi. Tout Mais à il est quand fait. même Et visiblement pas bon. il y a Non, pas aussi très l'intention. fort Il cette sait pas où notion on va. d'amorce. Les amorces psychologiques dont je parlais tout à l'heure, elles ont un effet fort sur Apocalypse World. Parce que, à travers la manière dont le texte des règles. Parce que Apocalypse World, c'est comme Donjons et Dragons, c'est que des règles, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de nouvelles pour dire ce qui se passe, il y a juste quelques exemples. Mais à travers ça, Vincent Baker fait Ça passer pose un très ton. fort une direction de jeu. Et les règles font passer aussi une direction de jeu. Elles sont un peu piégeuses, comme ça, on va choisir cette direction-là et on ne se rend pas compte nécessairement d'où les règles vont nous envoyer. Donc là, il y a une intention dans Apocalypse World, seulement les joueuses ne sont pas au courant. Alors, autre élément dont on pourrait tenter de se dépouiller pour atteindre notre absolu du jeu sans règles, ce serait la préparation, en fait, se dire, bah, est-ce que le jeu sans règles, c'est pas le jeu sans préparation? C'est-à-dire que on vient justement, on n'a pas préparé d'univers, on n'a pas préparé de scénario et on joue avec ce qui sort, quoi. Oui, c'est presque une expérience chamanique, alors. Oui, bah là j'y viens, c'est vraiment ça, c'est l'expérience chamanique, l'expérience du désordre aussi, ouais. C'est l'avantage du jeu avec règles, c'est un peu la certitude du résultat. L'avantage du jeu où on vient sans aucune Comme tu peux être préparation, c'est la certain que le surprise. résultat ne va pas forcément atteindre des sommets, quoi. Il y a une sorte Tout à fait. d'optimum que tu ne pourras pas dépasser, quoi, parce que justement, tu fais sauter tous les verrous, quoi. Venir sans aucune, en fait, venir sans aucune attention, sans aucune préparation, je pense que c'est très difficile et qu'il faut avoir des personnes qui sont vraiment capables de lâcher prise de tout Exactement. ce qu'elles ont Là, en elles. on parle d'un absolu. Oui, mais je serais curieux de le tenter, je sais pas, je ne sais pas. Mais on peut aussi faire des expériences de jeux de rôle en transe, en méditation, etc. Il y a des comptes rendus de parties comme ça qui sont assez intéressants, où le jeu part effectivement dans des directions très différentes selon les personnes. Alors, je vais te citer, tu disais que la règle permanente du jeu de rôle, toute pratique confondue, alors du coup, peut-être y compris le jeu de rôle sans règle, c'est le groupe décide du système au fur et à mesure avec ses propres techniques sociales. Oui, Elle est donc parfois enterrée bien profondément, mais c'est la fondation. c'est ce que je disais en fait. Quand tu as un groupe qui respecte la règle, dit ben, on va jouer à tel jeu, il dit aussi et on va respecter la règle jusqu'au bout. Le fait de respecter la règle est une règle en elle-même. Et quand on vient pour jouer comme ça sur la charte angoumoise, parce qu'en général, c'est ce qui se passe quand on veut jouer sans règle, c'est un peu le type de pratique vers lequel on tombe assez instinctivement quand on a un peu de bouteille, Ouais, on dit. typiquement, mon système zéro sans règle, c'est une forensa minima si j'ai pas de règles. Ça veut du prix Voilà, à payer, quoi. ça c'est le tien, mais il faut voir aussi ce Mais que les autres à tel joueurs à point la que j'ai table dû vont m'en apporter. défaire, quoi. Et il Quand y a des joueurs. il y a des manques de règles, ben ça me vient naturellement, et des fois, alors que je préférais faire autre chose. Et c'est là que la règle peut te pousser vers quelque chose. Mais les joueurs qui sont habitués ou qui préfèrent les jeux à responsabilité partagée, ben, ils vont essayer de partager les responsabilités. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir un meneur de jeu ou une meneuse de jeu qui vient avec quelque chose déjà construit derrière. Ils vont attendre ça. Ils vont peut-être essayer de remplir ce vide s'ils le rencontrent. Parce qu'on peut se dire, bah, si je fais du jeu de rôle sans règles, la première chose à dégager, c'est le meneur, quoi. Et puis en fait, finalement, on revient à une sorte de système zéro de jeu de rôle anarchiste, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc ça, c'est la, de nouveau, la, l'osmose de groupe devient plus importante parce que si on vient avec des intuitions trop différentes, ben, ça peut parfois prendre du temps pour arriver à se rencontrer ou on n'arrive pas à se rencontrer. Et ça se passe aussi dans des jeux de rôle avec règles, hein. Aucune règle n'est assez précise pour aligner toutes les attentes des joueurs et que ça se passe bien à tous les coups. On a atteint le temps qu'on s'était fixé. Ce que je te propose, parce que là, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire qu'on va faire un deuxième podcast, parce qu'on est vraiment proche de la fin. On s'accorde 10 minutes et on conclut en 10 minutes. Est-ce que ça te paraît tentable? Tout à fait, de toute façon, moi j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Mais voilà, dans 10 minutes, on se transforme en citrouille, quoi. Contrat social. Oui, ben c'est toujours Voilà, la même donc en chose, le fait, on est groupe un peu dans décide. l'idée que il n'y a pas de contrat social, mais du coup, c'est dynamique sociale qu'un sérieux de contrat social, quoi. Oui, il y en a un, nécessairement. Il n'est pas nécessairement confiant, il n'est pas nécessairement négocié comme tel, mais il y a toujours un contrat social. On est là pour jouer au jeu de rôle et on va le faire comme ceci. Et comme ceci, ça peut être, bon, on va l'improviser au fur et à mesure. Alors du coup, on peut se dire on va essayer de lâcher prise, notamment lâcher prise, c'est ses propres dynamiques sociales. Un exercice de dépouillement qui est très complexe. Moi, je commence à peine à comprendre comment je joue, notamment quand je suis PJ, mais aussi quand je suis MJ, et je commence seulement à essayer à me demander comment je peux désapprendre ma façon de jouer, quoi. Il y a une notion effectivement de se déconstruire, quoi, qui est importante. Et dans cette idée de lâcher prise, aussi le jeu en confiance, c'est-à-dire qu'on remplace cette dynamique sociale par de la confiance, quoi. Mais ça permet, ça donne l'autorisation et la possibilité aux autres de nous emmener sur des terrains où on n'irait pas de soi-même. Et voire même se dire, bon bah, je fais confiance même si on ne connaît pas la personne, puisque finalement la seule règle, c'est de faire confiance, quoi. Et là, on arrive un peu à ton jeu où on dit oui à tout. Voilà. Et notamment, du coup, ça vous dit, ça veut aussi dire lâcher prise de nos attentes préalables, de nos conceptions préalables. Oui, effectivement, c'est ça. La seule règle, c'est de faire confiance. C'est un peu le truc de dire oui à tout, quoi. Tout comme on peut se dire, on est en contrôle, puisqu'il n'y a pas de règles. Ça veut dire que je peux tout renégocier, quoi. Tout à C'est-à-dire fait. qu'aucune vérité n'est gravée dans le marbre. Si tu dis, ah bah, t'as tué mon bonhomme, bah, c'est pas grave, en fait, il a rien senti. Hein, et du coup, c'est ce qu'on a souvent on fait petit des gamins, quoi. Tu vas te faire tuer 5 fois pendant la partie de cow-boy à indien, et puis c'est pas grave, quoi. Et ça n'a l'air de Bah, pas les gêner, hein. Ça les voilà, empêche donc pas de Flamme Hôtel, s'amuser. c'est une approche de ça, en fait. Où en fait, on dit oui pour dire non juste après, quoi. Ouais, tu m'as tué, mais en fait, non, je suis pas mort, quoi. Et là, il y a la grosse question de est-ce qu'on peut jouer sans règles et en combativité, c'est-à-dire défendre son personnage, quoi. Je pense que si on le fait, on est forcément, à mon avis, dans le côté contrôle du jeu sans règles, quoi. À essayer de renégocier, à essayer de négocier un maximum pour défendre son perso, quoi. Tu peux pas jouer en lâcher prise et défendre ton personnage en même temps, ça me paraît très compliqué, quoi. Oui, c'est assez incompatible. Mais par contre, tu peux le défendre en t'appuyant vraiment un minimum sur des règles, si ce n'est la cohérence de la fiction et ce qui était dit Voilà, ou alors auparavant. défendre uniquement l'image de ton personnage. C'est-à-dire qu'il peut subir n'importe quoi. Ce qui compte, c'est que moi, je le décris toujours en étant fan de mon personnage, quoi. Même dans la défaite, en fait, il a toujours des excuses, quoi. Mais la propriété du personnage, c'est un truc qui vient très tôt dans les règles qui naissent à l'état sauvage, sur les forums de jeux de rôle de gens qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement d'autres cultures rôlistes. C'est tu peux décrire tout ce que tu veux, mais pas ce qui arrive à mon personnage ou comment mon personnage réagit. Une notion d'alter ego, quoi, et quelque part, du coup, le jeu sans règles, on parlait de dépouillement, c'est pour ça que c'est vraiment une expérience philosophique, en fait, hein, ou chamanique, c'est carrément aussi ça, dépouiller de l'ego, quoi. Après tout, si on joue sans règles, c'est écrit que mon personnage m'appartient, quoi. Tout à fait. En tout cas, pas de manière durable. Alors, Et tu il parlais faut de. voir. Oui, il faut voir, en parler. Tu as parlé plusieurs fois de négocier, je voulais intervenir là-dessus. Il faut voir si négocier, ça fait partie du jeu. Il y a des gens qui jouent pour négocier, Ou si ça n'en fait pas partie, c'est quelque chose qui doit être évacué du jeu. Bah, tous les systèmes avec règles opposables sont faits pour éliminer la négociation du jeu. Tout à fait. Bah, Mais. c'est une chimère aussi, hein, si on veut, quoi, mais pour s'en rapprocher, de se dire non, il n'y a pas de négociation, la règle, elle tranche tout, quoi. Or, il y a manifestement des joueurs pour qui le fait de négocier sur les règles, même si elles sont normalement opposables, fait partie intégrante du jeu, qu'ils le disent ou non. C'est quand on regarde Et leur tout comme à comportement. l'inverse, t'as le consensus, c'est-à-dire qu'il y aura une façon de jouer où en fait on ne joue que ce qui fait consensus, quoi. Tant qu'on n'est pas arrivé à un accord commun, qui soit au-delà du rapport de force, mais vraiment tant qu'on a trouvé une solution qui plaît à tout le monde, on est bloqué dans le jeu, quoi. Oui, ou le forfait. Je n'ai pas envie de me battre là-dessus. Je veux retourner à la partie du jeu qui me plaît, donc je vais accepter ça qui ne me plaît pas, mais pour qu'on puisse revenir plus vite à quelque chose qui me plaît. Ça fait partie de ce que Génie appelle les concessions, même si je pense qu'elle concède aussi pour d'autres choses, pour d'autres raisons que ça, mais ça fait partie des raisons, je pense, la concession. Cycle, envie, frustration, tu voulais dire quoi? Mais souvent, quand on joue, je parlais de sortir du cadre du jeu. Parfois, on ne parvient pas à sortir du cadre du jeu, mais on en a envie. Les règles ne nous permettent pas. J'ai envie que mon voleur apprenne la magie. Il y a des jeux où c'est juste pas possible. La magie, c'est quelque chose qui est réservé à ceux qui l'ont dès la création de personnages. Est-ce qu'on va briser la règle ou est-ce qu'on va la conserver? Ben, c'est deux possibilités. Donc, on va avoir une envie ou une frustration. Est-ce que ça va nous faire briser la règle? Okay. Voilà, je vais être obligé de dérouler un peu rapidement. Il y avait des questions, donc du coup, le jeu de rôle sans règles, c'est le jeu de rôle sans contrat social. Donc vraiment, il faut vraiment se poser la question du danger, en fait. Est-ce que c'est un jeu dangereux? Et voire même, est-ce que c'est un jeu, quelque sorte, amoral, quoi, ou immoral, quoi. Il n'y a pas de théorie du monde juste, du monde injuste, ou du monde transactionnel dans un jeu sans règles. C'est profondément sans morale, et c'est ça qui peut... entre guillemets, qui peut déstabiliser, quoi. À partir du moment où on joue en confiance, il y a un contrat social, même s'il est tacite. Voilà, oui. Et la Maintenant, possibilité. il peut y avoir des dérives, on peut accorder sa confiance à tort, et effectivement, là, ça, Oui, dangereux, c'est dans relation peut-être un peu un abusive, grand oui, mot, tout à fait. mais ça peut être, on peut se retrouver dans des relations ludiques ou même extra-ludiques, toxiques, oui, certainement. Et la grosse question que j'avais en fait, c'est que, bah, deux questions en fait en une. Du moment que j'ai déjà expérimenté jeu de rôle avec règles, est-ce que ça m'est vraiment possible de jouer sans règles en fait? Ça paraît difficile de complètement se dépouiller de ses acquis. Ben, en théorie, non, bien sûr, vu que c'est un idéal. En pratique, on peut s'en approcher suffisamment pour dire, ben oui, c'est ce qu'on a fait. Et est-ce que délimiter le jeu sans règles, c'est le réguler? On a essayé de définir et quelque part. En le définissant, est-ce qu'on n'a pas de poser des règles, quoi? Ça, c'est vraiment de la philo. Je vais laisser ça aux Oui, professionnels. bien Ne sûr. faites pas ça à la Je me maison. suis posé la question. Alors la question, qu'est-ce que ça nous apporte? Bon, en fait, qu'est-ce que le jeu de rôle sans règles nous apporte? Je pense qu'il faut tester pour savoir, quoi. J'ai pas la réponse comme ça, quoi. Oui, et puis ça dépend de la manière dont on approche le jeu de rôle sans règles. Il y a plein de jeux de rôle sans règles différents. Alors, je finis. Quelque part, je pense que le jeu de rôle sans règles, ou le jeu de rôle original tel que ça se faisait avant qu'il y ait des règles, c'est sans doute une forme de jeu qui nous fait peur, peut-être parce qu'on a des mauvaises expériences, et que du coup, on va à la règle parce que justement, on a peur de ce que ça peut être. Et donc, quand on revient au jeu de rôle sans règles, il y a une chose qui a changé par rapport à l'époque du on fait comme si. C'est nous, en fait. Nous-mêmes, on a changé. Bon, ça, déjà, j'ai un peu dit, quoi. Et donc, peut-être que, avec une forme de maturité, on est peut-être capable de se passer des règles pour jouer au bon entente. Alors, moi, au passage, hein, je vais préciser que j'ai gardé une expérience longue et très positive du on fait comme si. J'en ai fait vraiment pendant toute mon enfance, de façon intensive, je peux dire pendant 10 ans au moins, quoi. Et franchement, très peu de mauvaises expériences, quoi. Ce qui nous apprend le jeu de rôle sans règles, c'est peut-être nous apprendre rien n'est acquis, rien n'est indispensable. Il n'y a aucune règle dont on peut se passer ou qu'on ne peut pas remplacer par autre chose. Et ça, en tant que joueur ou en tant que game designer, je pense que c'est un apprentissage qui est vachement intéressant, quoi. Voilà. Et moi, ce que ça m'apprend sur le jeu de rôle sans règles, on l'a un petit peu approché, mais c'est qu'en quelque sorte, quand on joue dans les jeux avec règles, on est comme un singe qui saute de branche en branche. Si tu veux, l'aventure, c'est la jungle, les branches, c'est les règles. En fait, la plupart du temps, on est dans le vide. T'as l'impression qu'il y a du solide, mais en fait, t'es juste tout le temps de branche en branche, t'es tout le temps au-dessus du vide. T'es tout le temps, en fait, enfin, on pourrait s'amuser à écouter une partie et à minuter quand est-ce qu'on fait intervenir la mécanique, quand est-ce qu'on ne fait pas intervenir. La plupart du temps, bah, peut-être qu'on est dans le vide, en fait. Oui, et même toutes les fois, on en est sorti sans s'en rendre compte. Et ça explique notamment, des fois l'incompréhension des débutants à la lecture d'un livre de jeu de rôle, quoi. On est dans le vide, ou dans l'ineffable, dans des choses, dans des règles qui sont tellement tacites, tellement du domaine du social, ou de ce qu'on a, entre guillemets, de ce que notre cerveau sait, de ce que c'est raconter une histoire, que ça explique qu'il y ait certaines joueuses qui ont vraiment absolument besoin de jouer pour apprendre à jouer, quoi. Et on avait parlé des univers système agnostiques. Et moi, ce que ça m'a appris, ces univers-là, c'est que des fois, on avait quand même tendance à écrire des jeux où on écrit d'abord un fluff, et après, derrière, on plaque un système de résolution, mais qui est insuffisamment intégré à l'univers, en fait. Et la preuve est que souvent, on peut les détacher les uns des autres, et puis ça fonctionne toujours, quoi, indépendamment, quoi. Et d'où mon idée, par exemple, d'une Forenza minimale. Faire que les prix à payer soient intégrés dans l'univers. Ce sont des systèmes qui n'ont pas une saveur forte ou qui ont une saveur tellement habituelle qu'on ne les remarque pas. Ouais, ou complètement décalé de l'univers, quoi. Oui, ça c'est Aussi, quoi. problématique. L'incohérence à ce niveau-là, quand Ou l'univers qui tire font dans un une sens et le telle système focale, dans en fait, l'autre. sur l'univers que, du coup, on n'a pas tout l'univers dans ce système de résolution, quoi. Inforenza, par exemple, focalise sur une ambiance et ne permet pas de jouer la totalité de Milvaux. Et aussi, c'est le cas d'univers qui portent en eux énormément d'intentions et de propositions ludiques qu'on peut aborder de multiples manières différentes. Et donc, pour avoir un système qui permet d'attaquer tout ça, eh bien, il est un peu fade parce que il doit pouvoir partir dans toutes les directions. Ok. Alors moi, j'ai juste une dernière question de la fin. Je te laisserai conclure si tu as besoin. C'est finalement, moi, le jeu de rôle sans règles, il me pose la question générale de comment on joue en jeu de rôle, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire jouer au jeu de rôle, quoi. De quoi c'est composé? Et en fait, c'est une question que plus tu la dépiautes, enfin, moi, plus je la dépiaute, et plus finalement, je me retrouve sans réponse fixe, quoi. Je suis tout à fait d'accord, parce que pour moi, le jeu de rôle sans règles, c'est un jeu responsabilisant. Ça place les joueuses en position d'auteur, d'autrice. Elles doivent répondre à cette question au fur et à mesure. Alors, comme elles le font tout en jouant, elles n'ont pas nécessairement beaucoup de temps pour réfléchir. Elles vont peut-être prendre la première idée qui leur passe par la tête, mais ce n'est pas nécessairement la plus mauvaise. Il y a des créatrices de jeux qui développent leur jeu comme ça. C'est le playstorming, c'est la confusion entre le fait de jouer et le fait de faire un brainstorming, on fait une improvisation univers et une improvisation système au fur et à mesure, et puis après on récupère les bonnes idées qu'on a eues en jouant, on essaye d'en faire une règle formalisée. C'est un jeu responsabilisant, mais on n'est pas. Il faut se saisir de cette responsabilité, sinon on tombe dans le piège de la routine et du système qu'on connaît et qui nous convient. Notre Maintenant, système zéro, notre routine perso. voilà, je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Ça peut être des jeux très très agréables, très gratifiants. Le fait que ça soit innovant ou pas pour nous ou pour tout le monde, bah, ce n'est important que si on en donne de l'importance. L'important, c'est de faire une bonne partie, non? Tout à fait. Bah écoute, je pense que là, pour conclure, on va dire jouer avec ou sans règles. Mais jouer. Ah, mais jouer. Au revoir. revoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici et à très bientôt. Au revoir.